C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand nous gavera de nouvelles musiques dans sa chronique musicale Nightlife. Et Gabriel Béhoud aggravera notre dilatation de la rate en allant dans les coulisses de la lutte. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. On est mercredi 1er novembre 2017. On est à 177 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Eh bien, moi, je m'appelle Tania Baudin. Ah, oui. Et on est en direct des studios à C'est fou à Trois-Rivières. Arrête donc, toi. Eh bien, oui, je te le dis, Mathieu. C'est peux-tu, pareil? Ben, ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. 1er novembre. Oui. Et là, là. Enfin, là, on paye change. Payez tous vos loyers, n'oubliez pas. Votre hypothèque. On change l'heure, en fait, semaine prochaine. Tu savais ça? Oui, je savais. Donc, l'heure, là, présentement, il fait super noir, comme si on était la nuit. Oui, exactement. Mais à partir de la semaine prochaine, là, présentement, il serait 6h05. C'est ça. Donc, ce serait noir, ce serait normal. Ça serait comme ça. Ce qu'on vit à 8h va devenir le nouveau 7h. C'est ça. Fait qu'il va faire clair. Pour l'instant. On sait pas encore. Pour quelques jours. Oui, c'est ça. J'ose espérer que ça changera pas bien jusqu'à samedi prochain, d'après moi. J'espère. L'heure de noir et de ouais, de c'est ça. Je pense que ça va rester un petit peu la même chose. Pour l'instant. Ouais. Hey, ça, on s'en. Ah, on sait pas où on s'en va avec ça. Mais 1er novembre. Ouais. Mathieu. Quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Moins de 2 mois de Noël, ça. Ben, ça veut dire que justement, toutes les cochonneries de Noël vont commencer à sortir. Ah, je savais que t'allais venir là-dessus. Je voulais pas dire cochonneries, je m'excuse à tous les gens qui sont vraiment en amour avec Noël. Cossin, patente, breloque et autres. Les chansons. Oui. Attention. Sauf... Ah, c'est fou. Regarde. Ça va commencer dans les centres d'achat. C'est fou, c'est 24-25, je pense. Si je me souviens bien, dans les centres d'achat, pour les temps où j'ai déjà travaillé dans des centres d'achat, c'est aux alentours du 15 novembre. 20 novembre, là, on devrait commencer à voir ça, ou à entendre ça plutôt. Sébastien, Evgartin, es-tu dans l'esprit des fêtes, toi, là? Non. Non. Hey boy. Je suis même pas encore dessus. Dans l'esprit de la journée aujourd'hui. Ah non, oui. Fait que, parce qu'il fait noir. Oui. Oui. Simonac. Simonac. C'est ça. Ça se peut-tu? Mais il reste rien qu'une semaine, je l'ai dit. Dans une semaine, ça va être fini. C'est la continuité de la soirée d'Halloween d'hier soir. Exactement. On va voir des zombies arriver un peu. Ton costume, ça a bien été ton bélier? Ça a super bien été. Je tiens à remercier encore une fois ma maman qui m'a donné un incroyable coup de main du côté de la fabrication des cornes de mon bélier. C'était bon. C'était incroyable. Mmh. Sébastien, lui, est déguisé en homme sceptique en ce moment. Non, mais ou en homme endormi. C'est vrai que t'avais mis une photo que t'étais déguisé. Ah non, c'était ton costume l'année passée, c'est la voyante. Hein? C'était cette fin de semaine. La semaine passée. Ok, ok. Ouais. Wow. Oui, j'ai eu 2 costumes cette semaine. Est-ce qu'on prend le temps de parler d'émission qui s'en vient? Bien certainement. C'est pas pire, ça. Il faudrait. Je refuse. Aujourd'hui, donc, on va avoir à 8 à Alex Marchand pour nous parler de musique et de nightlife dans sa chronique qui n'a pas de nom encore. Un jour, il va trouver un nom. Un jour. Il a dit qu'il travaillerait pour ça aujourd'hui. La semaine de relâche servait à ça. Exactement. Il a dit pour nous donner des surprises. Moi, je fais des chroniques avec podcast, qui lui fait des chroniques avec pas de nom. Et pas d'intro. Et pas d'intro aussi, ouais. Ensuite, à 9h, Gabriel Béhoud pour dans les coulisses à la lutte. On va parler du match qui a eu lieu lundi et du prochain match lundi prochain. Ça, c'est à 9h. Entre tout ça, tu vas faire ta chronique Thaïs Galatotania. Tu nous parles de yeux. Oui, exactement. Je vais vous parler des yeux. De les yeux. Je vais vous parler, en fait, des 2 choses qu'on a en plein milieu du front, quasiment. Pas loin. Entre le front et le nez. On n'a pas les yeux tout à la même place. C'est ça, exactement. Il faut faire attention. Je veux inclure tout le monde. Ouais. Juger personne. Si vous en avez un troisième... En plein milieu du front, je vous accepte aussi. Okay. Je vous parle des yeux, surtout de la santé des yeux ce matin. Oh, vous allez voir, on va toucher à ça. Cool. Vers les 8h30 environ. Est-ce qu'on commence ça? Ah oui, donc. On passe ça avec Sébastien F. Gartin. Voici son bulletin Gartin. Sébastien, Sébastien Bigartin qui lui parle des vraies choses, les choses qui se passent. Oui, monsieur. Ça se super passe. Super passe. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ça se passe à la puissance, ça se passe à la puissance Krypton. Passe à la puissance, passe. Tu sais, comme les passes là, que les jeunes filles portaient à l'époque. Ça se porte encore, les passes? En tout cas, j'en ai porté une hier pour pouvoir faire tenir mes cornes. Ah, fait que j'imagine que ça se porte encore. C'est ça. Fait que les filles cornues portent encore. C'est voilà, ça, exactement. Vous avez tout compris, messieurs. J'ai hâte de voir les photos. On ne peut rien vous cacher. Oui, les affaires qui se passent. Je m'excuse, moi, je vais péter à ballon. Mais j'ai une blague d'Halloween. Non, mais c'est une chronique avec podcast aujourd'hui. Est-ce que ça fait longtemps que tu as eu un casque, hein, ta chronique? Pas vraiment. La semaine dernière, j'avais pas vraiment de casque. Non, non. Mais la semaine d'avant? La semaine d'avant, j'en avais un. Ah, OK. On parle de préparation ici. Oui, c'est ça. Parce que les chroniques avec pas de casque, c'est les chroniques. Ben, je sais pas de quoi je vais parler. Je me suis pas préparé vraiment d'avance. C'est juste que des fois, il manque certaines sources. On pose des questions, tu fais, je sais pas. Mais hier, j'ai passé une partie de mon après-midi, en fait, à écouter à la TV à ce sujet-là. Ah. Fait que écouter à la TV, c'est-à-dire écouter. Bref, je vais y venir. On va en parler. L'affaire Ouellet. C'est quoi l'affaire Ouellet? L'affaire Ouellet, en fait, c'est moi qui ai décidé d'appeler ça comme ça, en fait. Il n'y a pas encore d'affaire Ouellet. Il n'y a pas d'hashtag. D'ailleurs, c'était des problèmes. Il n'y a pas d'hashtag encore. Ça va s'en venir. Par contre, puis j'ai l'impression que malheureusement, c'est une chose qui va. Les intéressés à la politique vont peut-être plus suivre ça. Puis malheureusement, j'ai l'impression que cette histoire-là va peut-être un peu passer dans le beurre pour la population en général. Ça semble faire ça présentement, en tout cas. Parce que si je dis Guy Ouellet. Ça ne dit rien. Le député qui s'est fait arrêter. Ouais. Ouais, ça dit un peu plus de quoi, mais là encore, on est comme, OK, il a-tu fait de quoi de pas correct? Ouais. Je vais y venir. Donc, qui est Guy Ouellet, premièrement? Guy Ouellet est un policier à la retraite. Puis c'est pas n'importe quoi. Il était entre autres, une de ses dernières grosses assignments. Mm-hmm. C'était dans l'escouade Carcajou dans les années 90. Si on se rappelle, l'escouade Carcajou, en fait, c'était la gang qui s'occupait qui était dans le fond les policiers de la SQ qui travaillaient pour démanteler les moteurs criminalisés, donc les Hells Angels et les Rock Machine. Les gros super procès des moteurs au début des années 2000, c'était des arrestations de l'escouade Carcajou. Donc le monsieur est un peu un badass à la retraite. Ouais, c'est ça, exactement. Il est député du PLQ depuis 2007. Il avait été éclaboussé un peu parce qu'il était un de ceux qui avait profité on avait appelé ça les élections clés en main, là, c'est-à-dire que c'était des bailleurs de fonds du Parti libéral qui vous proposaient de vous organiser votre ramassage d'argent puis tout. Puis bon, il s'était fait un peu d'affaires crush là-dedans. Pour gagner, dans le fond, il a arrangé ça. C'est ça, pour qu'il gagne. Okay. Il allait chercher de l'argent à plein de places. Il a gagné. Limite. Il a gagné, okay. Il est élu depuis 2007. Ouais. Comment dire 2017 2007. Donc, ça fait 10 ans qu'il est au Parti libéral. Il y a eu un paquet de postes, en fait. Lui-même, là, c'est un peu drôle avec ce que je viens de dire, mais lui-même se décrit comme quelqu'un. Puis, il est reconnu pour étant quelqu'un d'être extrêmement droit. Et puis, ce que je parlais de l'histoire des bailleurs de fonds, c'est vraiment une anomalie dans son parcours parce que. Puis je vais venir parce qu'hier, il a parlé, il a eu le droit de faire un speech à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, je pense, C'est ça. Parce que ça a tout le temps été un peu un député, depuis qu'il est élu, ça a tout le temps été un député qui était très actif, mais pas sur les grosses affaires qui donnaient la visibilité, mettons. Il était dans des comités d'affaires plates, mais importantes. C'est ça. Donc, depuis 2015, il présidait la commission des institutions, qui, en fait, le but de ça, c'est d'évaluer le travail des trucs comme le directeur général des élections, l'UPAC, on va y venir, et ainsi de suite. Donc, les espèces d'institutions parallèles qui gravitent autour de l'Assemblée nationale. Puis là, je sais que déjà là, ça a l'air pas très ludique comme chronique. Malheureusement, probablement que ça le sera pas tellement. C'est plate! Mais on va essayer de rendre ça plus le fun. Fait que j'aime Topo, ça va faire des jeux de mots, Mathieu. J'essaye. Pourtant, quand il est parti à la retraite tantôt, je l'ai dit qu'il était parti à Ouellet, comme Ouellet. Oh boy. Je trouvais que ça avait l'air un petit peu boudoumch. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, pourquoi j'étais président de la commission des institutions? C'est que, en fait, jusqu'au 26 octobre 2017, que s'est-il passé le 26 octobre 2017? Attends un peu, ça c'était la semaine passée. Oui. Hein? en pleine réunion de cette commission-là, où, rappelons-le, ils évaluent notamment le travail de l'UPAC. L'UPAC débarque dans la réunion du comité et l'arrête. Ah. Oui. Bang! Donc, il se fait arrêter. What the hell? L'UPAC, y a pas on d'accusation. Rappelle que c'est la... L'unité permanente anticorruption. Voilà. Ça a été créé par le premier commissaire de ça, c'était M. Duchesneau, qui, on se le rappelle, a été un candidat de la CAQ pendant un bout de temps. Jacques Duchesneau, qu'on appelait, on se rendait même M. Net. Ah ouais. c'est ça. Ça avait été créé, si je me rappelle bien, dans la foulée du scandale des commandites au fédéral. Je pense que oui. Pour éviter qu'il nous arrive la même chose au Québec. C'est une genre de filiale de la SQ, mais comme un peu indépendante. Vu qu'ils ont peut-être enquêté sur les élus, on veut qu'ils soient indépendants. Puis là, bon, ça s'est amené, puis ça, je vais y venir, ça a amené à tout un débat hier à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça. Ce qui est un peu spécial, c'est qu'il se fait arrêter, il n'y a pas d'accusation déposée. Non. Bon, déjà là, c'est jamais très correct. Le prétexte de l'arrestation, ce de quoi on l'accuse, même s'il n'y a pas d'accusation formelle déposée, c'est de fuite de documents sur l'enquête mâchurée. J'ai aucune idée de quoi qu'elle parle, cette enquête-là. J'ai pas pris la peine de chercher, parce que c'était déjà assez plate de même. qui était... Bon, apparemment que Guy Ouellet aurait coulé des documents qu'il avait reçus par rapport à l'enquête mâchurée. Donc, c'est en gros des accusations. Le crime serait de l'entrave à la justice. Donc, lui, par souci d'intégrité, là, il s'est retiré au moins temporairement du caucus libéral. Donc, présentement, il siège comme indépendant. Il reste député. Okay. C'est député de... J'ai pas noté le nom de la circonscription, mais c'est dans la région de Laval, dans le fond. Donc, on apprend par contre que la peut-être vraie raison pour laquelle il aurait été arrêté, c'est qu'en fait, lui-même avait reçu des informations comme quoi est-ce qu'il y avait un complot à l'UPAC. C'est qu'en fait, c'est que lui-même, on the side... Ceux qui doivent vérifier s'il y a des complots. Exact. C'est ça. Il ferait des complots. Lui-même, on the side, enquêtait sur une... il y avait eu une lanceuse d'alerte, entre autres, qui est une Madame Trudel, qui est... dans le fond, c'est que M. Ouellet enquêtait sur une possible collusion entre l'UPAC, donc l'Unité permanente anticorruption, l'AMF, c'est-à-dire l'Autorité des marchés financiers, et une firme de consultants par rapport à un consultant, le Lego, mettons. Ouais. Par rapport à un certain stratagème là, qui se serait fait pour enrichir, en fait, la fameuse firme de consultants, puis qu'il y aurait de l'argent sale qui se passe là-dedans, de la magouille. Puis si ça vous donne une petite impression de République de banane, ben, tu sais, vous avez pas fini. Si tu peux pas te faire, si tu peux pas faire confiance à ceux qui surveillent, c'est ça, surveille les surveillants. C'est justement, je pense que c'est hier, l'UPAC a débarqué à l'UPAC. Ouais. Ah, ça, tu vois, je l'ai pas vu passer. Ouais. Super UPAC a passé à l'UPAC, non? C'est pas un niveau au-dessus de ça. Ils sont partis dans les bureaux pour ramasser des dossiers. Okay. Okay. Parce que moi, je vais être honnête, là, j'ai préparé ma chronique à peu près vers 5-6 heures hier soir. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il s'est passé des choses après que j'ai pas nécessairement... Sûrement pas énormément. Puis je me suis plus concentré, en fait, sur... Parce que où ce que je vais en venir, où ce que je trouve qu'il y a une discussion à avoir, c'est beaucoup plus sur le point... Tu sais, l'angle que j'ai choisi, mettons, c'est beaucoup plus celui du point de vue du député qui essaie de faire sa job. Je vais y venir, bref. Mais déjà, un député, donc un élu qui se fait arrêter sans déposer de chef d'accusation, c'est déjà très, très République de banane. Oui, en effet. Bon, donc, la possible collusion, comme je disais, ce qui se serait passé, c'est qu'avant d'appliquer sur des contrats gouvernementaux, les entreprises doivent être certifiées par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers, c'est eux autres qui décident, bon, toi, as-tu le droit d'être un conseiller financier, et ils décident d'un paquet d'autres choses comme ça. C'est un peu comme une espèce de méga ordre professionnel de tout ce qui touche à la finance. Donc, l'UPAC, dans ce processus-là, impose diverses normes, et au courant du processus, ben, il y avait un groupe de consultants qui était très clairement favorisé pour dépanner les entreprises, pour les aider à se mettre en règle par rapport à l'Autorité des marchés financiers. Puis c'est là qu'il y aurait eu quoi de croche. Puis là encore, je ne rentrais pas dans le détail de ça, parce que là encore, ben, on est au niveau des accusations. On n'est même pas au niveau des accusations, c'est des suppositions. L'enquête n'a pas pu avoir lieu. Mais c'est sûr que M. Ouellet, qui se fait arrêter en plein milieu du comité qui parle de ça, C'est gênant. Ça fait dur. Ouais. Ouais, ça fait dur en tabarouette et ça augure pas bien. Mais j'imagine que c'est comme ça qu'ils doivent faire ça. Ils doivent aller chercher la personne à un endroit public pour pas qu'ils puissent aller se cacher. Un peu comme les trucs en Russie avec les Américains. Oui, puis non. Tu sais, il y a une symbolique de l'arrêter. Tania nous a sorti l'article. Et effectivement, 6 perquisitions, 10 témoins rencontrés. Ouais. Ouais. Du côté de l'UPAC. Ouais. Ouais. Mais ça, en fait, c'est que ce qui avait été dit, puis ça, là encore, j'y arrivais dans pas longtemps. Merveilleux. Mais c'est ça. Gardez ça en tête, je vais y venir. Donc, bon, mais ça, c'est la glace. Ça nous ramène, à date, ce que je parle, là, c'est le 26 octobre. Ouais. Là, la fin de semaine passe là-dessus, on est comme « the hell ». Tout le monde célèbre Halloween, ne regarde pas trop de nouvelles. C'est ça, que se passe-t-il, Lucille? On dit tout ça, hein? Tout en train de dire ça. C'est dans la toune des... Trois accords. Ah. Merci. Fait plaisir. Donc, hier, 31 octobre, les députés de l'Assemblée nationale se sont déguisés en monde qui s'entendent bien entre eux autres pour le temps de la prise de parole. Et c'était ma joke d'Halloween. Oh, bravo! Oh. Était pas pire, hein, n'est-ce pas? joke de mon oncle, bref. Bon. C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que là... Joke de mon oncle. Tu que je reste habillé? Ben oui. J'avais-tu l'air parti pour moi? Non. Parce que les melons, des fois, ils... Ouais. Ah, OK, toi, tu parlais de melons de cochon. Exactement. OK, non, c'était... On a beaucoup autour des melons de cochon de ces temps-ci. Ouais, il y a des histoires de... C'est ça. De House of Cards, là. Genre. Kevin Spacey. En 1980. Ouais. C'est pas ça qu'ils disent dans le grand titre, par exemple. Non, c'est fait son coming out. Ouais. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Va faire une chronique là-dessus. C'est permanent. C'est pertinent. Les associations de protection des LGBT aux États-Unis sont un peu mal à l'aise présentement. Ouais. C'est comme, ouais, non, c'est le... C'est pas ça, la nouvelle. C'est pas ça, la nouvelle. La nouvelle, c'est que c'est un peu un pédophile. C'est ça. Ouais, il y avait 26 ans. Ben, ça fait en sorte que tu l'es pareil. Ouais, je sais, mais c'est moins pire. Il y avait 26-27 ans à l'époque. Le grand titre laisse sous-entendre que c'est genre maintenant que ça vient de se passer. Oui, c'est oui, par exemple. Ceux qui lisent pas les articles, c'est-à-dire monde. Hein? On dirait que ça s'est passé comme la semaine dernière. Et ce que j'aime pas non plus, c'est les articles, mettons la presse va dire genre « Netflix annonce la fin de House of Cards après les allégations de Kevin Spacey ». Ouais, mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça. Ils ont décidé le genre 3 mois d'arrêter la série. Laissez pas Hugo Dumas traiter de ça de grâce. Ça, là, les grands titres trompeurs, j'aime pas ça. Ouais, non, on aime tout pas ça, hein. Tu sais, l'année dernière, j'avais fait une chronique sur la bullshit, là. Oui. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on fait une parenthèse dans mon histoire de... On a besoin d'une petite pause, des fois, ça. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était des années 80, Kevin Spacey avait 26-27 ans. Ouais, genre. Il a commencé à sa carrière a décollé pas longtemps après ça, d'ailleurs, mais c'est qu'il a fait un party chez eux. Il était très sous, mais ça n'excuse absolument rien. Pas, non, je sais. C'est qu'il avait invité un kid de 14 ans qu'il avait rencontré sur le tournage de ce qu'il faisait le party pour, dans le fond. Je me rappelle même plus c'était quoi. Le fameux kid avait 14 ans, s'emmerdait dans un party d'adultes. Ouais. Parce que 14 ans, dans un party de monde de fin vingtaine, on sait pas, on connaît pas tout le contexte. Fait qu'il est allé écouter la TV dans la chambre. Puis finalement, Mané se rend compte qu'il n'y a plus personne dans le party, puis Kevin Spacey s'asseye pas mal, dessus. Très, très chaud. Finalement, le kid se pousse. C'est resté de même parce qu'il ne savait pas trop comment gérer ça. Surtout dans les années 80, Kevin Spacey n'était pas hors du placard. Non, c'est ça. Il était pas hors du placard jusqu'à la semaine passée, en fait. Ben là, c'est sûr que ça change les trucs un peu. Puis, tu sais, bon, ils disent, lui, ça défend. Ouais, il était sous. Puis, il a quand même invité un kid de 14 ans, tu sais, dans un party. Ouais, c'est quand même essayé de tuer. C'est ça. Puis, tu sais, si oui, t'es sous, ça t'enlève des inhibitions. Mais si t'avais besoin d'être sous pour t'enlever les inhibitions, c'est que tu voulais le faire quand même un petit peu avant. Ouais. C'est ça. À la base, l'invitation au party en tant que tel, si tu viens de filmer un film avec que des adultes, c'est comprenable. Tu sais, tu te dis, tu fais partie des acteurs qui ont participé au film. On lance ce film-là, je vais y aller. C'était pas un film, c'était une pièce de théâtre, en fait. Ah, c'est vrai. Mais bref. Dans le temps, il était plus au théâtre. Inapproprié, mais sur une échelle de 1 à Harvey Weinstein, pas mal un... 2, 3? Bon, 7-8. Ouais. 7-8. Ouais, il a été pas mal fort. Ah ouais, puis, j'ai pas vu les détails. Là, comme ça a fait avec Weinstein, c'est pas tout qui est sorti, là. C'est là qu'on va voir, il y en a-tu d'autres qui vont dire « Ouais, moi aussi, c'est essayé sous moi un peu. » Ouais, c'est ça. Ah, t'as raison là-dessus, ouais. Ça, c'est le premier. C'est ça. On est encore tôt parce que Weinstein, tu sais, il y avait comment que ça se passait, que c'était un peu malaisant. Mais il y avait aussi tout le il y a le fait que ben il y en a une qui dénonce, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. C'est ça qui a fait que Weinstein a rendu pas mal notre référence pour un 10. Mais ça s'est passé quand même assez rapidement, non? Il me semble, cette histoire-là, de Spacey, ça fait... Oui, mais c'est parce que là, en même temps, si tu expliques cette histoire-là, il y en a qui sont peut-être pas prêts à faire leur coming out. C'est une autre histoire. Il y a ça aussi. Mais en même temps, il s'est essayé, tu sais, je veux dire, avant d'agresser quelqu'un, il vérifiait-tu si le petit gars était hétéro ou non? C'est ça, exactement. C'est l'autre affaire, là. Ouais, bon, OK, peut-être que je me ravise sur ma note, c'est ça? Voilà. Mais il est malin, 5-6. C'est lui, hein, qui jouait dans Payé au suivant, Kevin Spacey? Avec Chantal Lacroix? Chantal Lacroix. Chantal Lacroix fait une émission qui s'appelait Payé au suivant. C'était vraiment comme... ils font comme une DA pour quelqu'un, puis c'était quelqu'un-là, ben la semaine d'après... Ou Donner au suivant, c'est ça? Donner au suivant, ouais. Taxe payant. Bref. fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc, hier, 31 octobre, député de l'Assemblée nationale, déguise en monde, s'entendent bien, le temps que... est encore meilleure, la deuxième fois. C'est ça, c'est comme de la pizza de la veille. Donc... donc, c'est ça, M. Ouellet, de qui on parle depuis tantôt. Guy Ouellet, et sur la corruption, des gens qui surveillent la corruption. Fait un speech, ma foi, qui est venu nous chercher sur le travail des députés et sur à quoi ça sert et sur la démocratie et toute l'équipe. C'est comme, mon premier réflexe, ça a été, pourquoi c'est pas lui le premier ministre? Ah, wow! C'est pour vrai, bien, hein? Honnêtement, je le connaissais pas avant que ce scandale-là sorte, mais juste le speech qu'il a fait, il est pas nécessairement très fluide quand il parle, mais tu vois que c'était quand même sérieux ce qu'il disait. Cohérent et tout. Puis en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est de l'obstruction du travail des députés, ce qui s'est fait. Ouais. C'est pas vrai que quelques députés enquêtent sur quelque chose. T'sais, qui surveille les surveillants? Il se pose d'avoir de la reddition de compte, puis elle se fait pas présentement. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, qui est un autre... Puis tu sais, on s'entend, normalement, le monde s'attend à ce que moi, je sois dur avec les libéraux. Ouais. Je suis sur bien des affaires, mais ça reste qu'il y a quand même du monde de principe dans le qui sont qui travaillent pour le PLQ. Jacques Chagnon, ça en a un autre. C'est pas pour rien que c'est présentement le président de l'Assemblée nationale. Oh. Qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale? Ben, c'est celui qui préside les séances de l'Assemblée nationale. C'est lui qui dit aux députés, bon, c'est à votre tour de parler. Ouais, puis arrêtez de vous chicaner. Arrêtez de vous chicaner. Il est reconnu, y compris dans le PQ, comme un des bons qu'on a eu dans la vie. Mm-hmm. C'est un qui fait bien sa job. Ce que Jacques Chagnon a dit, bon, l'UPAC doit accuser ou s'excuser, c'est-à-dire que c'est pas normal que... Parce que c'est ça, ça ressemble à vraiment une arrestation politique dans le sens, ben, on veut te faire taire. Okay. On veut que t'arrêtes de fouiller là-dedans, fait qu'on va t'accuser sur quelque chose. C'est là que ça devient intéressant parce que ce que Tania a ressorti tantôt, en fait, c'est que il y a eu des descentes de l'UPAC chez l'UPAC, mais c'était à propos de fuites de documents. Donc, parce qu'il y a eu le point de presse après ça, plus tard dans l'après-midi, vers 4h30, parce que là, ce que je vous parle, ça s'est passé à peu près à 2h de l'après-midi. Ouais. Ouais. À 4h30 de l'après-midi hier, Robert Lafrenière, le commissaire en chef de l'UPAC, il dit « L'enquête suit son cours, les accusations vont venir. » Fait que là, le monde disait « Est-ce que vous allez accuser Guy Ouellet? » Puis il fait « Ah, on peut pas dire ça, mais il va avoir des accusations. Oh. » On sait pas. Fait que, puis il dit, on fait notre travail, puis sacrez-nous patience, puis on fait notre travail, puis bon. Sacrez-nous patience, on a le droit de savoir. Tout de suite après, il y a eu le Huffington Post qui a fait comme à leur habitude, à la place de parler de ce qui s'est passé, ils ont parlé des réactions sur ces réseaux sociaux. Grand journalisme. Ce qu'ils disaient, c'est que l'UPAC a perdu a perdu la bataille de l'opinion publique. Ils se sont tirés dans le pied, pas à peu près. Robert Lafrenière, tout ce qu'il a eu l'air, c'est « Ben oui, j'ai fait deux coups de croche, puis c'est de me backer. » C'est vraiment le feeling que ça donnait. Où ce qu'on en est présentement, c'est qu'il y a un député qui est reconnu pour être quelqu'un d'assez droit en général. Comme je dis, un ancien policier, puis un policier qui était là pour les bonnes raisons. Ça, c'est Guy Ouellet. Guy Ouellet, qui se fait arrêter alors qu'il a reçu du whistleblowing, c'est-à-dire qu'il a reçu une délation, comme quoi il se passait des affaires pas nettes à l'UPAC. L'UPAC l'arrête, ne dépose pas d'accusation contre lui. Ça a l'air, comme je disais au début, il y a des relents de République de Banane là-dedans, parce que. Puis c'est puis une des choses, ben après que... Bon, là, tout le monde était bien d'accord quand que Guy Ouellet parlait. Il y a eu... le PQ ont démontré là, que certaines choses devaient être faites là, en fonction de ça. C'est pas normal que l'UPAC agisse comme ça. Le chef parlementaire du PQ, là, qui est un monsieur Bérubé, que je connaissais pas tellement non plus, qui a fait une belle qui est allé dans le même sens que ce que Guy Ouellet disait, puis qui est allé, ben là, faut qu'on prenne des actes par rapport à ça. Le chef parlementaire de la CAQ a même déposé un document. Ben, en fait, ce que M. Bérubé a fait, c'est qu'il a déposé différents règles. Il a parlé de différents règlements, différents gestes qui avaient été posés par des présidents de l'Assemblée nationale par le passé dans des situations similaires où, comment on pourrait dire ça, qui peuvent être liés à ce sujet-là. Mm-hmm. De fois où des députés ont été arrêtés ou qui ont eu de l'entrave. Dans le fond, ce qu'il a fait, il a amené un beau cas juridique. De jurisprudence, ouais. C'est quoi? Ouais, jusqu'à un certain point, mais techniquement, c'est parce qu'on n'est pas dans le pouvoir judiciaire, ouais, on est dans le pouvoir exécutif législatif. D'ailleurs, ça parlait un peu de cette histoire-là, la division des trois pouvoirs, c'est-à-dire le judiciaire qui est les poursuites, mais en fait, le premier pouvoir jusqu'à un certain point, c'est le législatif. Ça, c'est l'Assemblée nationale, ouais. Les députés. Ça, c'est ceux qui votent les lois. Il y a l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui mettent les lois en œuvre. Donc, ça, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement, en fait, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le conseil des ministres. Plus spécifiquement, le conseil des ministres et le premier ministre. Okay. C'est ça, le pouvoir exécutif. Fait que nous autres, on a déjà une division des pouvoirs un peu douteuse, parce qu'il y a des députés qui ont les deux... les députés qui sont des ministres ont un peu les deux sièges. Ouais. Ont déjà une fesse sur chaque chaise. Les chemises de l'archiduché. Oui, exactement. Ouais, exactement. J'ai toujours été pourri en disant ça. Moi aussi. Puis on fait de la radio. Ouais, ouais, c'est vrai. Une chance Tania nous rachète là-dessus. Merci. Et finalement, le pouvoir judiciaire, c'est sûr que c'est tout ce qui est la police, les tribunaux. Mm-hmm. Donc, on est pareil comme aux États-Unis, c'est les mêmes trois branches, non? Ouais, je pense qu'il y a quelques différences, okay, là, par exemple. Ça s'appelle quasiment pareil. Parce qu'aux États-Unis, il y a le pouvoir judiciaire, là, qui est encore les tribunaux, les juges, les avocats, là, tout ça. La police, il y a le législatif, okay, va être à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Mm-hmm. C'est deux pouvoirs législatifs différents, deux instances de pouvoir législatif. Et le pouvoir exécutif est détenu par le président. Ouais. Et le président délègue une partie de son pouvoir exécutif au secrétaire d'État. Alors qu'ici, le premier ministre fait partie d'une équipe. C'est ça, exactement. Lui qui est au sommet de la hiérarchie. Le premier ministre, nous, aux États-Unis, c'est le président. Ouais. Nous, c'est le premier ministre. Le premier ministre possède le pouvoir... reçoit le pouvoir de par le fait que son équipe a été élue. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, c'est le contraire. C'est le président qui est élu, puis lui, il monte son équipe après. OK, je vois. Là encore, c'est des différences d'application de comment est-ce que ces principes-là, on les applique. C'est similaire, mais différent. Similaire, mais différent. Oui, mais non. C'est sûr que nous, la ligne entre l'exécutif et le législatif est plus mince. Mm. Une des raisons, c'est que comme tel, le pouvoir exécutif serait détenu par le gouverneur général. Ah, donc, oui, au niveau oui. provincial, par le lieutenant-gouverneur général, mais c'est maintenant un rôle beaucoup plus symbolique. Ouais. Ils font juste signer en bas des lois. Ouais. Et se faire payer beaucoup d'argent. C'est ça. Ouais. Fait que là, bref, c'est toute une autre discussion. L'affaire Ouellet. on suit tellement un filon dans cette économie. Bon, comme je disais, bon speech de M. Ouellet à propos du rôle des députés dans notre démocratie, de la liberté de parole des députés, de ne pas entraver le rôle des députés, ainsi de suite. C'est ça, le PQ font ressortir le fait que, en fait, c'est inacceptable parce que par le passé, toutes les fois qu'il y a eu des situations similaires à ça, à toutes les fois, le président de l'Assemblée a donné un blâme à la police qui a fait ça. Et dans le fond, parce qu'il y a une sorte d'immunité, dans le fond, il y a une immunité civile des députés. C'est-à-dire que quand les députés parlent à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas être incriminés par ça. Okay. C'est-à-dire que ce que Guy Ouellet est allé dire là, ça ne peut pas être retenu en cour contre lui après. Il faudrait qu'il dise ailleurs pour qu'on puisse dire... Ouais, mais même là, en fait, quand il le fait, c'est que tout ce qui est dans l'extension de son rôle de député, il ne peut pas être arrêté pour ça. Comme par exemple, une des choses que M. Bérubé du PQ a fait valoir, c'est qu'il dit... ils peuvent pas prendre son laptop qui sert sur lequel il contient ses dossiers de l'Assemblée nationale puis du comité qu'il dirigeait puis ainsi de suite pour l'incriminer. Ils peuvent pas utiliser ça parce que c'est son bureau de comté. Je comprends, c'est même une extension de son bureau de comté. Si t'as pas de répercussions quand tu fais quelque chose de pas correct, comment est-ce que t'es supposé faire confiance à ces gens-là? C'est que le jour où ce qui dépose des accusations criminelles contre lui, là, c'est différent. Ah, OK. Mais là, parce que là, là, présentement, c'est du phishing qu'ils font. C'est qu'ils l'ont, arrêté pour pouvoir aller, pour suspendre un peu, pour pouvoir aller faire des perquisitions, en fait, contre lui. Parce que là, il est arrêté, mais il n'est pas accusé de rien. Non. Fait qu'ils peuvent pas... fait que ça leur laisse une espèce de bar ouvert parce qu'ils tombent dans une espèce de zone grise de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est un peu ça l'idée. C'est du phishing, en fait, qu'ils vont faire, là, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils font une arrestation boboche, puis ils profitent de ça pour faire des perquisitions qui ne seraient pas légales normalement. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas correct. Déjà, le faire contre un citoyen, c'est très, très limite, mais le faire contre un député, c'est complètement inacceptable. C'est comme un prétexte qu'ils utilisent. C'est ça. La CAQ ont déposé eux autres un document comme quoi est-ce qu'il y avait eu des demandes d'information de l'UPAC sur certains dossiers qui touchent à ce qu'on parle présentement. Puis que les fameux documents qui auraient peut-être été leakés puis des choses comme ça, il a démontré que ces documents-là, en fait, il les a montrés à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ces documents qui sont supposés être confidentiels. Mm-hmm. Puis l'UPAC... Ceux qui ont une télé HD qui peuvent zoomer dessus. Ouais, c'est ça. Ben, pis que ça, c'est que ce qu'il a montré, il a imprimé les documents. Puis d'ailleurs, le président de l'Assemblée a dit « Ouais, c'est un peu, perturbant. Non, dépose-les, c'est perturbant parce que... puis j'ai pas retenu le nom malheureusement c'est le chef parlementaire de la CAQ. Ce qu'il a dit, c'est qu'il dit en fait, parce que lui aussi sur cette commission-là, si je me rappelle bien, où il a participé à certains travaux de ça, c'est que ce qu'il disait, c'est qu'il dit ils ont pas pu faire le travail là-dessus de toute façon parce que les documents que l'UPAC leur ont donnés, ils étaient caviardés d'un bout à l'autre. Puis tu le vois là, le document. C'est des barres noires dessus. Hein. Des barres noires dessus. C'est ils ont donné un document que littéralement c'est juste des bords noirs dedans. Il n'y a aucun texte sur la feuille. Oui. Fait qu'il l'a montré à la caméra à RDI sur l'Assemblée nationale et tout, parce que il n'y a littéralement rien, il n'y a même pas de date dessus tellement. Ah, wow. Fait que ben là c'est ça. Puis le président a demandé parce que ça change beaucoup de choses par rapport à si l'accusation a des fonds, peut avoir certains fondements. Mm-hmm. Est-ce que c'est François Bonnardel que tu cherchais? C'est ça, t'en plains ça, François Bonnardel. Maintenant, des fois, on finit par avoir de la misère à retenir tous les noms. Beaucoup de noms, beaucoup puis de postes. Malheureusement, je suis pas autant la politique provinciale dans cet instant-ci que je l'ai déjà suivi. Fait qu'à un moment donné, les noms, je les drop. Souvent, je les connais pas de visage en plus. Vu que personnellement, je recherche beaucoup dans les médias écrits. Il n'y a pas tout le temps des photos. Puis même là, la photo, c'est pas tout le temps la personne qui est concernée. Ouais. Bref. Donc, je disais, là, les partis avaient l'air de tout pas mal s'entendre là-dessus. Par contre, après, ça se met à brasser parce que, justement, Martin Coiteux, notre super député de la sécurité publique, qui était qui cette année de faire des fails aux finances, a fini par se retrouver à la sécurité publique. Phase de découragement. T'as pas l'air convaincu. Je trouve que c'est une plante verte. En fait, c'est peu qu'une plante verte. Une plante verte ferait moins de dégâts que lui dans tout ça. Il fait des. C'est comme un chat sur une plante verte. Mais de la terre partout. C'est ça. Le monde gris de lui, il l'appelle Mélasse parce qu'il y a une petite part de famille, mais c'est. C'est le genre de personne qui règle des problèmes qui n'existent pas, donc qui crée plus de problèmes que d'autres. Là, il a foutu le bordel avec des coupeurs non quand il était aux finances. Il est en train de faire on sait pas trop quoi à la sécurité publique, mais il était justement en train de retravailler la fameuse loi autour de l'UPAC. C'est qu'une des choses, c'est que l'UPAC, dans le fond, tous les organismes paraparlementaires, on va dire, des trucs comme le bureau du vérificateur général, le directeur général des élections, ces choses-là, le commissaire, parce que quand on dit le directeur général des élections, en fait, c'est un terme un peu âgé, c'est que faudrait dire la direction, en fait, générale des élections. C'est un bureau, c'est un organisme, et il y a un commissaire en chef de ça. Généralement, c'est des mandats assez longs, on parle de souvent des 7 ans, non renouvelables, par contre. Okay. L'idée, c'est que c'est pour avoir le temps de mettre en place des choses, pas être toujours en course en train de chercher quelqu'un. Et préparer mais ton prochain, en même temps, ton remplaçant après. La personne, vu que c'est non renouvelable, ne peut pas se représenter, donc va pas essayer de faire... Le but de ça, c'est que ça soit le plus indépendant et le moins partisan possible. Donc, ne va pas tenter de se mettre chum avec du monde pendant que cette personne-là a le pouvoir. Puis c'est des choses importantes. Là, le DGE, là, directeur général des élections, là, c'est la personne qui gère les élections. Ouais, c'est ça. On s'entend que c'est important. Ouais. Et c'est touché. Même chose pour le vérificateur général. Le vérificateur général, en fait, c'est la personne qui est à base de se poser d'enquêter sur les élus. C'est la personne qui vérifie les élus font-ils des passe-croches. Ah. Spiltak fait partie de ça aussi. Un petit manque à ce moment-là. C'est ça. L'UPAC, ben c'est un peu ça, mais plus globalement, pas tant dans le vraiment là, la gestion des bureaux des élus et ces choses-là, mais plus dans vraiment la corruption en général, le financement, mm-hmm. La collusion entre différentes instances gouvernementales et le privé, et ainsi de suite. Donc, l'UPAC, dans toutes ces... Puis là, il y en a un paquet d'autres de ces instances-là. C'est la seule que le commissaire en chef n'est pas élu aux deux tiers par l'Assemblée nationale. Parce que le commissaire en chef du DGEQ, à chaque fois qu'il est élu, aux 6-7 ans à peu près, ben c'est qu'il faut que tous les députés votent. Dans le fond, regardent les candidatures et votent. Puis, il n'y a personne qui rentre tant qu'il n'y a pas les deux tiers de l'Assemblée nationale qui votent pour. Pas juste la majorité des... L'idée de ça, c'est qu'il faut que... Ça peut pas être juste le parti au pouvoir qui l'élit. Soit très bipartisan. Mais bien, faut que l'opposition officielle vote pour aussi monde, en général. Ouais. Sinon, il passe pas. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut que ça soit... Il faut que ça soit presque un consensus. C'est en fait. Fun. Fait que c'est important parce que c'est des organismes de reddition de comptes, puis il faut pas que ça soit partisan. Ouais. Puis là, ben, l'UPAC, c'est le seul. Il y a une espèce de processus hyper compliqué, puis c'est presque décidé à l'interne, en fait. C'est qui le commissaire de l'UPAC? Comme tel, en fait, c'est qu'il est, il est nominé par l'UPAC et nommé par le ministre. Fait que c'est le ministre qui décide. Oh! Fait que pour différentes raisons, c'est beaucoup, beaucoup moins que... Puis comme je l'ai dit, moi, j'ai plus ou moins confiance en M. Couetteux pour différentes raisons. C'est ça, c'est lui qui le nommerait présentement. D'ailleurs, d'ailleurs, lui, c'est renouvelable. Donc, le commissaire Robert Lafrenière actuellement, celui que je disais tantôt qui s'est tiré dans le pied en tabarouette, de son point de vue, c'est, même on s'en sac que c'est tiré dans le pied parce qu'il a déjà été réélu puis il risque de l'être encore parce qu'il est chum avec les bonnes personnes. Oui. Puis ce n'est pas quelqu'un qui transpire l'honnêteté. Vous le regardez parler, vous voyez qu'il back son derrière puis s'en sac du reste. Donc c'est ça. Fait que là, la belle entente s'est terminée sur le fait qu'en fait, le PQ et la CAQ ont très agressivement attaquer le gouvernement, à savoir, ben là, faudrait que l'UPAC fonctionne de la même façon. Le point de vue du gouvernement, c'est de un, puis là, c'est qu'il exigeait aussi que l'UPAC se présente, que le fameux Robert Lafrenière se présente à l'Assemblée nationale et vienne se défendre de « What the hell, qu'est-ce que t'as fait là? Mm-hmm. » Dans le fond, Philippe Couillard, notre premier ministre, a dit « Faut faire attention avec ça parce que faut respecter la séparation des pouvoirs. » Si la discussion, si on force M. Lafrenière à répondre à des questions qui mettraient en danger d'autres enquêtes en cours, ben on vient pas de faire notre job comme faut. Ce qui est pas faux. Ouais. Par contre, il y a comme un juste milieu entre les deux de la position de M. Lisée, qu'on sait que je suis le plus grand fan de Jean-François Lisée, mais qu'en tout cas, que son point de vue qui est à l'autre extrême, qui dit non, faut qu'il vienne, puis on va y poser des questions, puis il est mieux de répondre parce que Christy, c'est sa job. Là, mettons, Lisée se disait non, il n'y a aucune question qui offre de qui est pas sur la table, puis non, okay, là, juste milieu, s'il vous plaît. La CAQ était plus du bord du PQ là-dedans. Donc, là, ben, là-dessus, c'était, ben, ça a fini par dire, ben, garde, on verra. Garde, ils parlent cet après-midi. On verra si ça va à peine les faire venir à l'Assemblée nationale. Là, j'avoue que j'ai pas fait le suivi là-dessus. Je sais pas si finalement ils ont décidé de les forcer à venir ou pas. Ça va être à suivre. Je sais même pas si la décision a été prise. L'autre chose aussi, c'est que, ben, le PQ et la CAQ ont dit, ben, là, faudrait que le commissaire de l'UPAC soit élu de la même manière que les autres. C'est logique, ouais. La réponse du gouvernement, donc du Parti libéral, ça a été de dire, ben, Couetteux travaille là-dessus, laissez-y le temps de proposer quelque chose. OK. Puis, là-dessus, on prend juste ça, ben, ça, c'est ce que Philippe Couillard disait. Correct. Ce serait normal. Legit. Ouais, mm-hmm. C'est correct. Mais ce qu'ils vont par faire contre, c'est que ça, quand Martin Couetteux a parlé, ben lui, il se défendait du fait qu'il ne faut pas que ça soit tout à fait comme les autres, puis il y a déjà de la reddition de compte, puis tatatatata, puis tout. Fait il aimerait ça que ça reste comme ça. Hein. Ben c'est sûr. C'est un poste que tu ne veux pas nécessairement quitter. Ça fait qu'à un moment donné, qui va changer ces règles-là? Ce qui a été demandé, c'est qu'il y ait un comité de supervision composé d'élus. Ouais. Là encore, Martin Couetteux était... Quels élus, ça! Il disait qu'il allait proposer des amendements sur ce qui était sur la table présentement. Fait qu'on va voir c'est quoi. On va lui donner le bénéfice du doute. Ben oui. C'est ce que Philippe Couillard a dit qu'il fallait faire. Je suis quand même relativement... C'est rare que je suis autant d'accord avec Philippe Couillard, mais effectivement, ce que je me dis, il faut lui laisser le bénéfice du doute. Puis, Colin, M. Lisée, puis M. Lisée et Legault, vous vous insurgerez quand que les amendements seront déposés. C'est là que ça va être le temps d'en discuter. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, comme je dis, je suis pas celui qui a la plus grande confiance en Martin Coteau non plus, mais je pense qu'effectivement, oui. Ouais. C'est bon, tu sais, il faut le laisser déposer avant de chioler sur son travail, là, ouais. Tant qu'à moi. Là. À un moment donné, ça prend un peu de bénéfice du doute. Enfin, c'est pour ça que le déguisement n'a pas duré longtemps, mais bon, au moins ils l'ont fait le temps que. Le déguisement de gens qui s'entendent, c'est ça. Déguisement de gens qui s'entendent. Bref, c'est tout ça. Malheureusement, c'est ça, c'est une histoire que, à part dans les tripeux de politique comme moi, ça a plus ou moins eu de l'attraction. Et c'est une histoire qui bouge c'est beaucoup une en ce moment. C'est ça, puis c'est une histoire importante, en fait, parce que, puis j'ai pas mis beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est que c'est important pour notre démocratie, mm-hmm. en fait, la job de nos élus. S'il y a une police occulte, opaque, qui peut faire n'importe quoi avec les élus, même si déjà, bon, au Québec, on s'entend de la façon, notre parlementarisme britannique, c'est plus une genre d'oligarchie démocratique qu'une vraie démocratie, c'est-à-dire que ben on élit nos tyrans tous les 4 ans, là, c'est un peu ça. C'est un peu ça le système britannique. On leur remet notre confiance pendant 4 ans, puis ben arrangez-vous, faites vos affaires en attendant. Donc on se sent un peu détaché des décisions politiques, mais même là, si en plus ces gens-là on se font mettre des entraves dans leur travail, ben tout le monde est perdant là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est comme ça qu'une république de bananes se crée. Puis j'ai beaucoup mis l'emphase sur ce terme-là. C'est même à la limite, c'est à défaut d'un autre parce que c'est même un peu limite raciste. En ouais, un petit peu, tu pourrais. Mais tu sais, ça reste que ben on comprend l'idée que de dire ben c'est que c'est ça encourage la corruption plus que d'autres choses en fait. Mm-hmm. Le jour qu'il y a une élite non élue qui a le pouvoir sur les élus, on n'est plus dans une démocratie du tout. On devient ça devient réellement un régime oppressif dans le style des trucs comme on voit en Corée du Nord puis des patentes mm-hmm. de même. Puis si on dit République de Banane, on devrait peut-être dire plus République de charbon. Oui. Parce que la grosse exportation, c'est le charbon, en fait, en Corée, là, présentement. Corée du Nord. Le gros du PIB de la Corée du Nord, le gros des exportations, c'est ils vendent du charbon à la Chine. Là. C'est pas mal ça qu'ils font. Là. Donc, c'est ça. Wow. C'est pas mal ça. C'était une chronique pesante, je m'en excuse. Vraiment, c'est lourd. C'est lourd, mais comme tu le dis, c'est important. C'est important, faut en parler. Puis, de toute façon, là, c'est le reste de l'émission, le nightlife, toute la kit, ils vont. C'est ça. Ça va vous changer les idées un petit c'est peu. C'est ça. D'un bord puis de l'autre, là, ça se tient pas, cette émission-là. Mais on aime ça, c'est des morceaux détachés. Hein. Oui, pour ton information, Seb, il y a eu une conférence de presse hier avec Ouellette. Puis certains dirigeants de l'UPAC, il y a quelques résumés qui devraient sortir dans la journée. Fait que, On regarde ça. T'es au courant, puis tu nous reviendras avec ça. Cette chronique-là, on fera un suivi la semaine prochaine. Exactement, oui. C'est ce qu'il faut faire. Donc, merci beaucoup, Sébastien Vigartin. Ben, merci à vous. Chronique toujours les mercredis matin, en début d'émission vers les 7h. Puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tu l'as dit tantôt du nightlife, on va faire, on va entendre la musique petit poum, petit poum, petit poum, et parler de sortie, le petit party, hein? Oui. Complètement différent comme chronique. Dans quelques instants, par contre, avant ça, on a une petite 15-20aine à remplir, donc on va parler de chat. Aujourd'hui, dans son foutu moment. Ça revient tout de suite. À son âge requis. Toujours à Assemblage requis, dans quelques instants, son foutu palmarès. Mais avant ça, on s'écoute une pièce de Corridor. Voici du Moyen-Âge à l'âge moyen. We'll be right back. Corridor avec du Moyen Âge à l'âge moyen à Assemblage Requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, pour se changer les idées de la lourdeur de la vie, Tania, on parle des chatons. Oh. Des chats. Je me dis que ça ferait différent de la bouffe puis des autres trucs. Ben oui. Donc aujourd'hui, on parle de superstition autour des chats dans le monde. Mm-hmm. Ouais, les chats, des fois, sont malchanceux. Tu sais, l'Halloween, c'était pour nous hier. Oui. Donc, les chats noirs, on sait que ça fait peur pour oui. certains. Moi, j'adore les chats noirs, je trouve ça vraiment beau. Mais ça attire beaucoup de superstitions, les chats, depuis toujours. Et donc, en voici quelques-unes. Commençons par... Pays-Bas, oui, les chats, apparemment, sont des créatures bavardes et qui font du potinage. C'est ce qu'on dit. J'en suis certaine. Ouais, donc ils vont raconter tous vos secrets les plus sombres et les plus profonds. Donc, pour cette raison-là, les gens essaient de ne pas avoir de conversation privée si un chat est dans la pièce, juste au cas où il l'écoutait. C'est fort, hein? Ouais. Ensuite, un chat qui se lave, ça peut vouloir dire que des visiteurs s'en viennent. Selon une superstition japonaise. Okay. Donc, si un chat lave son visage avec ses pattes, c'est pas juste faire son toilettage, ça veut dire que de la visite s'en vient. Il y a d'autres superstitions du genre dans d'autres pays. Certains aux États-Unis attendent de la visite d'un membre du clergé si un chat commence à nettoyer ses moustaches. Ah! Ensuite, un chat qui éternue, c'est chanceux. Mon chat a une rhinite chronique, Tania. Il est bien chanceux. Hey, des fois, je te jure, elle fait 10 éternuements de suite. Je fais comme, ça va? T'sais? Bref. Tu parles à ton chat? Ben oui, je dis, voyons, okay. Ça va. Hein? Donc, elle te répond-tu? Elle va raconter tous mes secrets les plus profonds. Ah, ok, c'est ça. En Italie, donc, si un chat éternue, c'est supposé être bon pour la chance. Spécifiquement, si votre animal de compagnie éternue, ça veut dire que de l'argent s'en vient. Ok. Si une mariée, donc une femme qui se marie, entend un chat éternuer lors du jour de son mariage, ça veut dire que son mariage va être un bon mariage. Par contre... Si un éternuement, c'est de la chance. Si un chat éternue 3 fois de suite, ça va indiquer que tu vas avoir le rhume bientôt. Ah, OK. Ensuite, les chats noirs font couler des bateaux. Ouais, de tous les types de chats, on sait que c'est les noirs qui sont les plus attachés à des superstitions. Ben oui, clairement. À cause d'une croyance égyptienne, apparemment, où les chats noirs étaient associés avec la déesse Bastet. Et garder un chat noir avec soi, ça allait vous aider à avoir ses bonnes faveurs. Ça a aussi peut-être à voir avec la conviction en Europe que les sorcières avaient des chats noirs. C'était diabolique, ces chats noirs-là. Une superstition de chat noir que vous n'avez peut-être pas encore entendue, c'est que si un chat noir monte sur un bateau et ensuite redescend, le bateau va couler lors de son prochain voyage. Ensuite, les chats peuvent réveiller les morts. Dans certaines parties du sud de l'Europe, le folklore raconte que si un chat saute sur le trou dans un cimetière là, qui est pas le tombeau, là, mais ça... Mais le cercueil? Non, c'est ça. La tombe, c'est l'endroit. Le ouais. cercueil, c'est le morceau de bois dans lequel t'es, c'est ça? Le tombeau, en fait, c'est en pierre, assurément. Ah, OK. En bois, c'est le cercueil. Et le trou? Ben, un trou. Hein? Tu sais, en anglais, on dit grave. Il y a sûrement un équivalent en français. Ben, peut-être, mais écoute, je vais chercher pendant que tu continues. C'est quelque chose qu'on dit moins, ça, il me semble. Oui, parce que on fait l'enterrement de quelqu'un, ouais, mais... c'est ça, on parle pas du trou. Non. Ben, on parle de la tombe, en fait, en disant grave. Exactement. Donc, dans certaines parties de l'Europe, du sud de l'Europe, voilà. Donc, le folklore dit que si un chat saute sur cet endroit-là, ils vont réveiller les vampires. Bon. À partir du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, William Anderson racontait qu'en Angleterre, un chat avait sauté par-dessus le cercueil pendant une funéraille et que personne ne voulait bouger jusqu'à ce que le chat soit tué. Hein? Ben voyons, wow, là, c'est drastique quand même. C'est... J'aime pas nécessairement les chats dans la vie, mais de là à le tuer. 19e siècle, ça se passe demain. Ensuite, ah, mais être... il prendait des filles pour sorcellerie. Exactement. Être une femme à chat ou une personne à chat peut t'aider à te marier, nous dit-on. Ah, la... c'est ça la solution. C'est ça. La culture populaire a changé les chats en un symbole de célibat éternel, si on veut. Mais selon un livre sur la tradition en Allemagne, donc les chats peuvent aider une femme qui est anxieuse à se marier. Tout ce qu'elle a à faire, c'est à nourrir le chat à partir de son soulier. La superstition ne dit pas ce qui est supposé se passer après ça, mais bon. Mathieu, le trou, il y a quelqu'un qui vient de m'indiquer que ça pourrait être la fosse. Ah, j'ai jamais entendu ce mot-là pour ah oui, la fosse. La fosse dans un cimetière. Je suis sceptique de cette fosse. Et les chats mouillés vont faire qu'il va pleuvoir. Hein? Ah ben oui, mais c'est ça, ouais, ben ouais, c'est ça. C'est classique. C'est en Indonésie où les chats sont associés avec la météo. Si les gens voulaient qu'ils mouillent, ils versaient de l'eau sur leur chat. Présumément, le chat en question faisait qu'il pleuvait comme vengeance. Ah, d'accord. Pas pire, hein? On a entendu la réaction d'Alex Marchand, prochain chroniqueur. Allô? Est-ce que t'es un gars à chat? Quand même, mais ouais, ça dépend des chats. J'aime les chats, mais pas mon chat. Oh boy! Oh, t'aimes les chats, mais pas le tien. Hey, ça, c'est. Non, mais tu sais, quand l'animal a la désagréable habitude. Bon, que c'était juste une fois, là. Mais prends la peine de me réveiller à 2h30 du matin en miaulant pour chier devant ma porte. Oh, que je l'ai pris personnel. Ça fait ça, des chats. Ah ouais, mais tu sais, ils disent tel animal, tel maître. Oh! Tout le monde, je suis. As-tu déjà réveillé de tes couleurs? Mais si vous êtes pour vrai. Moi, en tout cas, mon chat vient tout le temps me regarder quand je vais aux toilettes. Ben voyons, ouais, on ferme la porte. Il doit s'attendre à ce que nous, on le regarde, les contacts visuels pendant le... Ça aide, non? Je sais pas. Je sais pas, mais j'étais malaisé, je te dis. Ouais. Est-ce que tu lui as fait savoir? Un petit peu. Il l'a botté. J'ai mis caca dans son visage. Fait que d'après moi, oh mon Dieu! C'est agressif! Ben là, crime, elle m'a réveillé pour chier dans ma chambre. C'est pas dans sa litière, ça, là. Sa mère faisait la même chose avec elle. Ah, c'est exactement, ça doit être ça. On tient à s'excuser auprès de ta mère. Merci, Alex Marchand. dans quelques instants, ce sera sa chronique sur la nightlife. Non, mais là, il y a un nom, là. Dis-le pas! As-tu une intro? Non, j'ai... Ah, bon. J'ai pas réussi à faire des jingles encore. J'attends que l'inspiration vienne à moi. Non, il était clairement chez la coiffeuse à la place. C'est vrai? J'avais une moustache en plus. Hier, je l'ai pas. J'ai perdu ma dignité. Je vais vous parler de ça. Il est taillé de partout. Mais ça vient aussi. C'est comme... Mais ça me manque de poils autour de la bouche. J'allais que ça m'attend. Full shade. C'est ta grandeur. Puis rien sur le chest. Puis rien au player. D'autres détails sur l'aspect... On peut pas le savoir. Les animateurs avec Monica au retour. Et après ça, on parle de musique et de sortie. Sondage qui pour toi aujourd'hui. Sondage qui. C'est fou. 89. Sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Sondage de qui? Oui. Sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi matin, 1er novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mmh. Et Alex Marchand. Non. Non, non, pas de suite, Alex. T'es pas là dans ta hiérarchie. Pas co-animateur. Prends un rôle que tu n'as pas. Prends ton trou. Okay. Ta fosse, qu'on appelle. Oui, c'est ça. Je fais juste une fois par semaine. Trois fois. OK. Attends un peu. Est-ce que tu parles des trous que tu... Hein? Quoi? Non, je pense qu'il parlait Je parlais d'être chroniqueur assez fou. Ah, ouais. Merci, ouais. Bref, elle est trop de personnes, là. Ok. c'est combien, ça fait combien de malaise ce matin, là? Il y a beaucoup trop. Ça arrête jamais. J'adore ça, venir ici. Il est 8h03, ok? Le nombre de malaise qu'il y a déjà eu dans les 15 dernières minutes. C'est drôle parce que 3, c'est le nombre d'heures que j'ai dormi. moi aussi, c'est le fun, ça. Yeah. Pas dormi beaucoup. Non, tu les gars, j'ai dormi plus que vous, puis. Ouais, c'est ça. Ça allait fêter l'Halloween. Ouais. D'ailleurs, je vais parler de perdre sa dignité tantôt, fait qu'on va rire. Perdre sa virginité, hein? Elle a pas sa virginité, sa dignité. Ah, mes oreilles sont sales. Articulées, là, c'est correct. C'est la chronique musicaux Nightlife. Non, c'est pas ça, ah, Mathieu, je change le concept. Ok, là. On arrête tout? Breaking news? Breaking news. Pou, pou, pou, pou. Attends, il y a pas de beat. Non, j'en avais pas. Tu veux un beat? Moi, c'est Mathieu qui est à... Oh! Il est pas, mais on danse en studio. Wow! Ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui, donc, la chronique va maintenant s'appeler Dans ma tête avec Alex Marchand. Oh! Ouais. Ok, Dans ma tête! Oui! Avec Alex Marchand! Oui, exactement! Okay. Ça va, donc, évidemment, ça va être une chronique extrêmement mêlée parce que c'est dans ma tête que mêlée, ça se passe, hein? Exactement. TDA comme tout le monde, hein? Exactement. Donc, ben, ça va être plein de choses, en fait, qu'il va y avoir dans cette chronique-là. Il va y avoir une partie musique parce que c'est quelque chose qui occupe une place importante dans notre vie. Clairement, une partie fiole. On va conserver la base de l'autre crise. Ça ne sera pas sur une base régulière. Ça va être comment je le décide. Je vais y aller au feeling. Ah, wow. OK. Ouais. Puis il va y avoir entre autres ces deux choses-là. Puis parfois aussi, il va y avoir une petite dégustation de vin. Si je m'ouvre une bouteille la veille que je réussis à vous en garder, je vais mettre ça dans une petite place que je vais cacher dans puis mes on poches. On va faire la chronique live du sommet de montagne. Comme la semaine passée, tu nous disais que c'est ça qu'il faut faire boire du champagne au sommet de montagne. Oh, exactement. Okay. C'est des petits trucs de vie comme ça qui peuvent rendre une semaine plus piquante. Puis manger du mexicain, évidemment, c'est une des meilleures manières de rendre une semaine piquante, oui. Surtout le lendemain matin. Anus picante. Anus picante. Wow. Hey boys! Je dis en espagnol, c'était correct. Hey, sérieusement, je pense qu'on est prêts, là. On va remplacer Eric et les Fantastiques. On est en émission du retour. Eric a besoin d'un nouvel animateur. C'est vrai, hein, c'est vrai. Si seulement on pouvait être l'après-midi. Comme ça, bon. C'est pas grave, on est drôle quand même. Donc, oui. Martin et Martin Cloutier, d'abord. Qu'on va remplacer. Ah, lui, il va avoir un scandale sexuel bientôt, je le sens. Oh, mon Dieu! Et où? T'as-tu des nouvelles à nous apprendre? Ah, t'as moi, j'ai dit que je le sentais. Tu le connais? Je le sentais, moi, je suis devin, je l'ai pas dit. Ah, écoute, Dominique et Martin, hein? Hein? Martin Cloutier. C'est ça? Oui, lui, non, je disais n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Ah, ouais, je suis pas réveillé, j'ai dormi 3 heures. Là. Ça se peut que je dise un petit peu de trucs incohérents. Là. Fait que bref, fait pas chaud. Non. Parler de la température pour se sortir d'une situation. C'est vraiment très pertinent. C'est le truc ça. De la semaine. Mais, bref, mon windshield était gelé. J'étais content d'avoir du. Windshield washer. Non, ça, ben, du windshield washer, mais c'était carrément du faiseur forme de glace. Là, oui. Qu'on appelle pas. On appelle pas. Tu vas dans un garage. Je demande ça, un faiseur fondre de glace. Ah oui, je pense qu'ils comprennent en plus. C'est ça qui est merveilleux. C'est des gens qui ont beaucoup de vocabulaire. Ils s'assoient sur ta vitre parce que. Oui, exactement. Puis, ben bref, tout ça pour m'amener à un autre sujet qui est complètement ailleurs. Puis que je vais quand même revenir à ce qui va être dans ma tête, dans le fond. Parce que c'est je suis en train de faire plein de parenthèses. Sujet de l'histoire d'Assemblage Reggae. J'ai plein de points comme ça de sujets qui n'ont pas d'allure. Vous allez voir, je vous avais dit que ça serait mêlé comme émission. Ok. Comme on chronique, est prêt. C'est pas encore mais ça pourrait devenir une émission. Qui sait? Si je manque de temps. Tu veux de l'expansion déjà? T'as-tu bu comme 12 espresso, genre? Non, j'ai rien pris par là. Ok. Non, j'ai juste très peu de sommeil dans le corps. Puis j'étais un peu épais ce matin, mais c'est parfait comme ça. Je pense que c'est de même que vous m'aimez. Ben oui, ben oui, tout à fait. Puis bref, éventuellement, par rapport à la chronique dans ma tête, il va y avoir un segment de chronique qui va être l'expression de la semaine. Donc ça, c'est majoritairement moi qui écoute Pierre-Luc Rousseau à chasse dire des expressions qui ramène ici quand je les trouve vraiment drôles. Parce que Pierre-Luc, je sais pas si vous le savez, vous irez jaser un moment donné, il y a les meilleures expressions au c'est monde. Puis ça me fait beaucoup rire. Donc, et à chaque semaine, il va venir juste dire sa citation. Ouais, exactement. Et rentre, il a dit, il s'en date. Ça va être un in and out. Ça va être merveilleux, on a hâte. Bref, il y avait justement le vin et tout ça. S'il y a un party, là, il y a eu pas mal de parties, on va en raser. Ok. Donc, c'est la raison du pourquoi t'as plus de poils dans le visage? Ouais, mais il y avait du poil à la base, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Il va faire le Movember, je te gage. Non. Non? Non, même pas. Non, c'était autre chose, mais ça s'en vient. Sinon, il va y avoir un segment, si jamais ça donne, de séries télévisées. Donc, si je regarde une série comme présentement, ben, tu sais, on en jaserait, mais présentement, je suis sur un gros trip de The Office d'un côté, puis de Narcos saison 3. Mm. Ça se pourrait qu'on en jase éventuellement. Puis si je trouve autre chose, je vais vous le dire. Plein de beaux petits trucs qui sont le fun. Puis, la chanson de la semaine. Il continue d'arriver avec une seule chanson à la place de trois. Bonne idée, ouais. Puis justement, on va pouvoir parler plus. De plein d'autres choses parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça parler. Mais non, voyons. Mes tours de parole quand j'étais à l'OGE étaient interminables. Vous demanderez aussi que c'est en place. Et on souligne la partie minable. Wow. Ok, je m'attendais pas à ça ce matin. Bonne journée, tout le monde. C'est une blague. J'ai enlevé mon casque pour vrai. Ouais, c'est un mime. Ouais, quand même. Un mime, c'est de l'improvisation, Mathieu. Oui. J'étais là, je t'ai vu lundi d'ailleurs. C'est bien ça. Merci, merci. J'ai tendance à être là pas mal à tous les matchs. J'anime, tu sais. Ah oui, je sais, mais t'étais bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, justement, par rapport au party d'Halloween. Oui. Oui. Parce que là, on a fini, là, la chronique est expliquée. Vous savez maintenant de quoi il est question. Mm-hmm. De quoi ma question est expliquée. C'est dans ma tête. Ouais. Puis ça, justement. Oui. Ça s'en vient, justement, Diego. La semaine prochaine, sans faute. Là, parce que là, fallait que je brainstorm. Ouais, ouais, ouais. Il y a du sub le 2 semaines. Deux mois, la semaine passée. Je suis vraiment pas fiable cette année. Mais c'est correct, je vais me reprendre. Mais là, c'est que j'ai le cadre de l'émission. Je vais remplir le cadre puis je vais faire un jingle en plus. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, il faut que ça vienne avec l'inspiration, cette histoire-là. Ouais, ouais, pas le choix. Puis, donc, après avoir bu beaucoup d'alcool. Exact, exact. L'Halloween. Oui. Puis donc, pour revenir à ça, l'Halloween, il y a eu deux parties qui se sont déroulées sur le terrain de l'UQTR, mm-hmm. l'Halloween. On a découvert que cette année, bref, il y a des gens qui ont perdu leur dignité encore plus que moi. Parce que moi, j'étais déguisé en Mario, pour ceux qui ne savent pas. De Mario Bros? Ouais. Puis les moustaches sont pas vraiment à mode, mais moi, j'ai décidé d'en faire une quand même. Puis quand j'avais pas le costume, on dirait que c'était moins hot. En tout cas, tout ça pour dire qu'à matin, ça m'a fait du bien quand j'ai comme rasé la moustache, mais que là, j'ai pogné froid. Ouais, au-dessus de la bobine. Ben, c'est sûr. Puis, parlant d'avoir un peu de dignité, il y avait beaucoup de monde déguisé en Avengers puis en Wonder Woman, honnêtement. Ah, c'est comme plate d'avoir un costume pas original quand t'arrives dans un party. Ouais. Harley Quinn aussi, qui est bien populaire. Mais Pennywise, là. Ouais, Pennywise. Ouais. Mais on dirait que je l'ai pas vu tant que ça, par exemple. Harley Quinn, non. Il y a moins que l'année passée. Ouais. L'année passée, c'était intense, mais cette année, non, c'était un peu moins pire. Des licornes devaient en avoir plein. Ouais. Ça, un petit peu. Il y en a un qui n'a pas compris, par exemple. C'était comme un costume de tigresse avec des petits tocs sur faire comme des oreilles. Là. Ouais. Il y en avait beaucoup, genre des lionnes. Il y en avait au moins 5, genre. Puis je n'ai pas compris c'était quoi la référence. Ouais. Ben, je pense que c'est juste le fait que c'est vraiment vite fait. Ah, mais c'est bien fait. Ah, ouais. Mais ça dépendait du maquillage. Si t'avais beaucoup de choses originales, mais avec sexy après. On a déjà dit que c'était très populaire, les quelque chose sexy, genre éboueur sexy. Ben, pas tant que ça. Honnêtement, à l'université, en tout cas, je n'ai pas vu. C'est peut-être parce que ça se fait moins bien au 10-12 aussi d'avoir une malfonction de costume dans un party. Tu veux peut-être moins avoir un boob qui sort. C'est ça, le boule à l'air, c'est pas tant le fun. Ça dépend toujours, mais j'ai pas vu tant que ça de costumes trop sexy pour la place. Puis pourtant, je le sais, je l'aurais vu. Tu penses que ça se passe vers 17-18 ans, ça? Ah oui, peut-être, bon. Ouais. Ou sinon, dans des bars louches à Montréal. Aussi. c'est au choix. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Puis, personne déguisé en Eric Salvaille, ouais? Ben non, là, franchement, c'est beaucoup trop récent. J'ai vu des costumes excellents. Par exemple, au Saint-Bernard à Joliette, il y avait des gens, justement, je pense que c'était pas cette semaine. Ben oui, c'était vendredi cette semaine. Il y a des gens qui se sont juste imprimés la face d'Éric Salvaille. Puis j'ai eu la jambe, une gang de 4 personnes, ils ont pris une photo. C'était merveilleux. Ah. J'ai ri pendant 5 minutes. C'était waouh. Ou sinon, genre la tête de Marc Labrèche en Éric Salvaille dans un bac de recyclage. Oui. Ça serait hot. Faut que ce soit rapide. Excellent. Les références, faut que ce soit vite, là. Vite à l'effet. Oui, définitivement. Attends pas, là. C'est là que ça se passe. Ah, clairement. Ouais, clairement. Puis, on va passer. Puis attends, ça va vraiment vite aujourd'hui. Je m'attends. J'ai peut-être fait plus de notes que ça, on dirait. Mais là, ça a tout passé. On y va avec le sujet. Ouais, attends un peu. Est-ce que tu as dit dégustation? J'ai dit dégustation. J'ai vu une bouteille d'alcool. Oui. Tania, tu sais que son Oxober. Il y a Mathieu qui va le goûter. Ouais. Non, non, mais moi, je suis plus October. Là. Ah, mais le mois d'octobre finit pas tout de suite. Ouais, Tania. C'est ça. Ben oui, on est le 1. Ouais, mais Tania, c'est pas ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu reprends un jour que t'as pas fait. Exactement. T'as-tu compris? Ah non! Tania, t'as manqué l'October toi aussi? Ben, en fait, j'ai manqué deux journées au début du mois parce que je savais pas que le défi existait. Ah, fait que j'ai décidé de... commencer en retard, moi aussi. J'ai décidé de faire ça, mais j'ai décidé de l'étendre. Ouais, c'est ça, lui, il a étendu sa brosse sur le mois d'octobre. Oui, exactement. C'est parce que moi, j'ai fait un choix stratégique. Je me suis dit, j'ai fait le October pour mes intras. Une fois les intras étant passés, puis moi, sur le top d'une montagne, j'ai décidé que c'était plus si important que ça d'être à jeun. Et ça, c'était la semaine passée, donc on parle de mardi. Mardi 24... Oui, exact. Mardi. Exactement. Mardi 24, oui. Donc, après avoir pris une marche dans une montagne, d'ailleurs, prendre une petite consommation, je vous le recommande, c'est le fun. Ouais. Mm-hmm. Ça détend, puis ça délie les jambes qui sont affreusement ballonnées. Fait que bref, c'était quand même un très beau moment. Fait que, de ce que je comprends, moi puis Mathieu, à matin, on c'est va ça, boire, vous allez, du boire du gin. Oh, mais moi, je sais pas si mon estomac est prêt pour ça, honnêtement, parce que la soirée a été bien arrosée. Après, j'ai dormi comme 3 heures. Est-ce que t'as déjeuné? Non, pas en tout. Bon. Ça se pourrait que ça rentre. Je vais aller faire un petit tour à la chaise galerie pour aller boire du café après. Ouais. Ouais. Ça sera pas un café Baileys, mesdames et messieurs, ça va être un café straight. En plus, tu dis que t'as eu une grosse soirée hier soir. Ouais, quand même. Mais c'était moins pire que l'autre d'avant. L'autre d'avant, oh boy. Ben, Alex, c'est un fier fêteur. Ouais, Pierre Party Animal. Honnêtement, moi, de fier de l'être. Mais faut savoir que l'année dernière, lorsque j'étais, ouais, encore une fois, je reviens souvent sur mon parcours à l'AGE. T'as été président de l'AGE. Ça faisait pas grand-chose. Mais je venais voir quand même, par oui, exemple. Ça, oui. C'était important pour moi. On avait du plaisir. Tellement, mais on en a oui. encore. Ça, c'est clair. Il bon. Faut, il faut. Puis, bref, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire le party. Fait que je sais pas, fait on dirait. Tu te reprends pour cette année. Oh, mais c'est pas. Je le fais même pas volontairement. On dirait que c'est la créature qui m'habite, qui fait comme. C'est que t'as chassé le naturel et là, il revient. Au galop. Exactement. Exact. Puis là, le naturel, il est pas mal là. Il est là, il est très, très là. Bien puis, membré. Ouais, exactement. Puis là, ça a des influences comme le manque de sommeil, mais c'est pas grave. Ouais, ça, tu sais, on dormira plus tard. Hein. Ben on oui, ben oui, c'est devant nous. Ouais, exact. En effet. Pour dormir. Puis, ben là, on va goûter du vin. Est-ce que vous y allez au bouchon, les gars? Ben, il n'y a pas reporté de verre. Fait que j'imagine qu'on va boire la même heure. Il y en a un qui se prend un bouchon, puis l'autre, il boit direct dans le thé. Je pourrais courir à la chaise galerie aller chercher des verres. Est-ce aussi. Qu'on pourrait faire nos sauvages et encore une fois envoyer Tania? Je vais même trouver une toune. Oui, on peut faire ça. Ben, tu sais, on promet une toune en même temps. Ok, on met une chanson pour l'instant, oui. On met une chanson. Oui, ok. On va t'en trouver une, moi, une toune. Ben, je te fais confiance. Je vais-tu avec un petit côté latin? Ah, ben oui. Donc? La Despedida. D-E-S-P-I-D-A. Ouais, de Daddy Yankee, ça? Oui. C'est trop pop? Je pense que oui. Ah shit. Ouais. Il me semble que j'ai entendu le nom parce qu'il me semble que c'est Despacito qui. Non, fait. C'est pas ça n'a pas rapport pas avec Despacito. Ça l'a pas joué à c'est quoi. Mais c'est pas le même gars. Mais ça se peut que ça. Oui, non. Ça se peut ça. Ouais, fait que moyen. Daddy Yankee, il est big dans le monde du reggaeton. Là, il fait vraiment. Il fait de la bonne job. Le monde adore. Là, tu sais, je commence à mixer un peu plus. Ouais. Là. Le monde adore le reggaeton, le latino, ouais, sérieusement. Ça là, vient, là. On dirait que tout le monde, ben oui, tout le monde aime ça se déhancher là-dessus. Ah, c'est incroyable. Mais peu importe les parties où j'ai mis du latino, du reggaeton, ça l'a levé genre vraiment beaucoup. Fait que, bref, XP, mets ça dans ta pipe. Mets ça dans ta pipe. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de reggaeton qui joue à Chasse Galerie. Puis ça fera encore plus danser les gens. Je pense que comme tout DJ qui se respecte, c'est ça son but, de faire danser les gens. Fait qu'on pourrait faire jouer du reggae, Mathieu? Oui. J'attends juste qu'on me donne un. Ah, je pensais que t'allais chercher. On va trouver quelque chose. Subeme la. Ah non, c'est Enrique. Non, Iglesias. Ça c'est Enrique. Subeme la radio. Quentia mi canción. Ah, c'est hey, si Daddy Yankee, c'est pas, c'est pas correct, mais juste comme Enrique, ça passe pas. Oh, good. On va y aller avec Love is All I Got de Feed Me et Crystal Fighters. J'ai aucune idée c'est quoi la tune, mais je sais que c'est underground. J'espère que c'est bon. Ça va être dubstep un petit peu avec Feed Me. Ça devrait. Assemblage Rookie, c'est dans ma tête. Dans ma tête. Avec Alex Marchand, Mathieu Plante et. C'est pas là qu'il va chercher l'hiver! Oui! Ben, j'ai écouté le début de la tune. Ah, okay. Nous autres, on l'écoute pas parce qu'on parle par-dessus en ce moment. Ouais. Ben, c'est pas encore officiellement commencé, ça s'en vient. Là. Ok, je pense que là, on est dû pour arrêter de parler. Salut! Bye! Love is all I got. I can't live with everything I've lost because love will come to save us. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want. What you want is love. So save our soul. Like you saw. save our souls. Love is all I got de Feed Me and Crystal Fighters. Wow! Beau petit semi-hit, un peu dubstep. Je sais pas si t'as entendu les rounds. Ouais, ouais, il y a ça. C'était un peu, c'était le petit côté dubstep. C'était assez c'était dansable. Ouais, ah, complètement dansable. Définitivement. Mais ça, danceable. Quand ça finit par able, on dirait que j'ai toujours envie d'entendre le mot qui finit par able, mais qu'on veut pas dire en ongle. On va voir qu'on s'en reparle parce que je te suis pas. Ah, ok, ouais. Capable. Merci de se mettre en contact. Oui, capable, exactement. Capable, oui, exactement. On a tous compris. Ça sent le gin à plein de Noix. C'est excellent. Ça sent le gin. Parce que nous allons déguster un gin ce matin, Mathieu. C'est mais pas vrai? Tania, par exemple. Non. Ça ressemble un petit peu à du vinaigre. Donc, je me demandais où sont les frites. D'après moi, tu goûteras pas le vinaigre. Et c'est servi dans un petit cup de ketchup. Oui, exactement. C'est un concept aujourd'hui. Surtout, saviez-vous que le ketchup est constitué de vinaigre? Ben oui. De c'est sucre, vrai? Wow. Principalement de vinaigre et de jus de tomate. C'est comme un fait. Je pense que c'est du vinaigre à 90%, ouais. Je pense. Ouais. Puis du sucre à 2% qui c'est ça, exactement. Puis t'as 8% de tomate. Alors, c'est vraiment très vinaigré. Donc, tu nous as amené une petite bouteille vraiment minuscule, format voyage. Ben oui, dis donc, t'as pris ce petit format. À la Malbaie. Ah! Non, même pas, c'était à Baie-Saint-Paul. C'est avant la Malbaie, c'était en me rendant justement. Tu sais, j'ai pensé à vous. En me rendant là-bas, fait que j'ai décidé que pour ma chronique, les mercredis matin, j'allais dévaliser les petits formats à la SEQ. Ah, bien sûr. C'est bon, ça. Parce que j'ai pas le goût de perdre mon emploi. Mais on rappelle qu'il travaille à la SEQ. Exactement. Ah, pour vrai? Ben oui. Ah, je savais pas. Fait que, ben, bref, j'ai pas de rabais là-dessus, sauf que j'ai quand même en acheté plein. Puis celui-là, c'est un des très bons gins que j'ai goûté cet été parce que j'ai commencé à devenir un amateur de gin et de beaucoup. De choses. Et d'alcool, point. Exact. Donc, ici, on peut déguster. On peut. Le Circa, en fait, que Circa. Le produit s'appelle. On c'est peut québécois, je pense. Oui, exactement. C'est fait. En fait, c'est inspiré de la forêt boréale québécoise. Puis la distillerie qui l'a produit, c'est Circa Distilleries sur la rue Cabot à Montréal. Donc. Je savais pas qu'on avait des forêts boréales au Québec. Oui. Ben oui, quand même, je pense dans le nord du Québec, il y a pratiquement que ça. Forêt boréale, qui, on le rappelle, est... je le sais pas, pas en insérez votre pas. Propre c'est ça, exactement. Non, mais ce serait intéressant. Non, je suis désolé. Écoutez, on parlait du parfum, un petit peu de l'odeur. Je sais pas si c'est psychologique. Ça fait la même chose dans une grosse pointe en dresse quand je sens quelque chose qui ressemble à autre chose. On dirait que j'ai l'impression que ça sent genre l'alcool à friction. Non, pas d'accord, ça sent l'épinette un peu. L'épinette, le gin, bien évidemment, parce que pour la confection d'un gin se fait à partir d'une vodka qu'on va aromatiser à partir de la baie de Genièvre. Ah, oh, wow! Puis la baie de Genièvre qui va avoir l'odeur typique du gin. Puis en fait, tu sais, je sais pas si vous savez, le Global produit aussi un alcool 40%, puis la seule différence entre cet alcool 40%-là puis la vodka, ça va être une triple ou une quadruple filtration soit du charbon d'érable ou un paquet d'autres méthodes pour la filtrer. Donc une fois que l'alcool est filtré, va être un peu plus pur, ben là on va pouvoir l'appeler vodka en fait. T'as bien écouté ta formation de la SAQ. Exactement. C'est un de mes collègues en plus qui m'a dit ça. J'ai même pas appris ça dans les formations. Mais bref, non, c'est libre quand même de choix hein, de découvrir quand tu travailles à la SAQ. Oui, définitivement, il y a certaines formations, mais oui, il faut être curieux, faut déguster. C'est ça. Pour un crachat en dégustant, parce qu'il faut pas travailler chaud. Il y a plein de contraintes. C'est vrai. Quand même assez t'es triste. Ok, je pensais que t'aimais pas ça. Je peux même pas travailler chaud. Travaille à 8 heures le matin. Je peux même pas mes rétrobrasses. Ici, oui, par exemple. C'est pour ça que j'aime la radio. Ouais. On est un petit peu moins demandant que la SAQ et la GEQ. Oh, oui, clairement. Non, mais quand même, un code d'éthique à respecter. Ben oui. Convaincu. Non, mais en même temps, que tu sois pas vulgaire. Ah, OK. Et que tu me laisses des gags de mauvais goût. Ah, Ben, ce matin, oui. Avant que le fond de vos petits verres lâche, messieurs, je vous... C'est ciré, mais ça va défoncer ça. Un jour. Ouais, faudrait qu'on fasse un shooter! Je vous inviterai à boire votre gin ce matin. On le boit vraiment, shooter? Oui. Donc, sans... J'ai même pas la bouteille. Ça va être plus dur pour moi que pour toi, je pense, parce que j'ai le cœur dans les talons. Non, peut-être plus le cœur dans la gorge, je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Garde-la en bouche un petit peu, Mathieu, peut-être pour avoir un... Oui, parce que ma seule expérience d'alcool fort, c'est du Jack Daniels, puis j'ai eu c'est le... sûr que c'est moins fort. On est loin du Jack Daniels, qui est fun avec les spiritueux, parce que ça, c'est une bouteille aux alentours de 50$. Oui, la grosse, pas exact. Le mini format. Exactement, le 26 onces. Donc, à ce moment-là, c'est un spiritueux qui va être très travaillé au niveau de la texture, mm-hmm. très travaillé au niveau du goût. Donc, oui, ça va être puissant en bouche, sauf que la texture va être agréable. Généralement, c'est facile à boire comme ça. Je savais pas qu'un gin avait une texture. Oui, je savais qu'un vin avait une texture, mais... Tout alcool, c'est parce qu'en même temps, c'est tellement puissant en bouche qu'il va avoir une espèce de réaction au niveau de la bouche. Ça va être un peu... La bouche va être saisie par toute cette puissance-là, puis va réagir en salivant beaucoup. Ah. Sauf qu'après ça, ben, l'après-gorgée va avoir une espèce de contrebalan en salive, puis mm-hmm. ça va définir beaucoup le type de texture du spiritueux. Donc ça pourrait... Je pense qu'on va l'essayer de la meilleure manière. On va le garder un petit peu en bouche pour y goûter. Oui, puis idéalement, si t'es capable de faire, parce que ça se peut que tu tousses, ça m'est arrivé beaucoup au début, c'est de le garder en bouche, puis de le faire naviguer un peu sur les gencives, sur la lurette. Un peu comme du vin. Palais, exactement. Ou de la coke. Non, tu te le mets pas dans les narines, Mathieu. Okay. C'est liquide. C'est ça. À ne pas mélanger, d'ailleurs. Oui, en passant. Conseil d'amis, si vous voulez pas vous ramasser à l'hôpital. Bon. Donc, je le fais naviguer partout dans la bouche. Oui, exactement. Puis essayer de prendre après ça une petite respiration pendant que c'est dans la bouche. Si t'es capable, ça fait déjà très beaucoup. Exactement. C'est ça. Il faut être habitué pour le faire, sauf que ça permet d'avoir vraiment un autre... bien sentir les arômes puis de bien les comprendre, en fait. Et ça, je fais ça avec le contenu complet du petit show. Oui, tu peux y aller avec une plus petite gorgée si tu le sens moins. T'sais, moi, mettons, je suis un habitué, j'ai peut-être mis une portion qui me convenait. Ouais. Allons-y. Excellent. Hey, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, là, vous entendez les sons? C'est les gars qui dégustent. Oh, wow. Oh. Les deux ont des visages de gars qui devraient pas boire du gin à 8 heures le matin. C'est effectivement moins fort que du Jack Daniels. Ah mon dieu, je sais pas si tu sens la gorge par exemple présentement. Ah mon dieu. Pas mal en feu. Hey, ça sent l'hystérine les boys. Si tu avais un début de grippe là, ça lobe les parois de la gorge. Quand j'ai parlé d'alcool à friction là, l'hystérine serait plus appropriée. Peut-être. Ben ça doit être à cause de la forêt boréale justement, les pins, les conifères puis tout ça. Il va avoir un petit frisson là. Ouais. Mais la texture, est-ce que tu vois un peu ce que je voulais dire, par exemple, par la salive? Ben c'est très liquide, mais oui, en effet, la salive sort... C'est très délicat au bout du compte, malgré le fait que c'est puissant. On sent pas grand-chose en bouche après avoir pris la gorgée, contrairement au Jack Daniels. Il y a pratiquement le goût de te bûcher la gueule une fois que t'as pris une gorgée. Ah, vraiment, non, j'étais pas capable. On est ailleurs, mais c'est sûr qu'on va peut-être y aller avec une plus petite portion. Wow. Là, on parle de quelque chose qui est absolument pas sucré. Du tout. Très sec. Non, très... très alcoolisé, je te dirais. Ouais, je sais pas si j'ai du fun à boire ce genre de choses-là. Mais c'est quand même normal, tu mélanges à du tonic la prochaine fois. Peut-être j'aimerais un petit chaser. On pourrait le décrire de demain, prendre une petite gorgée puis le faire un cocktail de la semaine. Aussi, pourquoi pas. Hey, dans ma tête, c'est très mêlé, c'est très libre. Donc, formule excellente. Moi, j'ai près de la moitié du shooter. Donc, il m'en reste encore un petit peu. Je pense que je vais pouvoir y aller avec un deuxième. Ah ouais, ok, vas-y. Dis-nous comment ta deuxième gorgée passe. Et si t'as un goût différent, peut-être? C'est meilleur pas gargariser, j'ai l'impression que ça passe mieux. Mm-hmm. Non, c'est vrai, mais c'est qu'en même temps, ce qui arrive en te gargarisant, c'est que t'habitues ta bouche aussi à prendre la prochaine gorgée. Mm-hmm. Les amateurs de scotch vont vraiment commencer par se gargariser la bouche, puis la grimace finit par disparaître. Ouais. La première gorgée va vraiment être difficile, mais après ça, c'est beaucoup plus facile de boire l'alcool 40% pur. Même chose aussi avec un whisky, là, c'est souvent ça. Oui, surtout. Puis les gins commencent à s'adapter un peu justement au marché du spiritueux un peu plus fin. Il y avait toujours eu des rums puis des scotch qui étaient un peu plus haut de gamme, mais là, on a vu cet été vraiment beaucoup de nouveaux gins sortir. Surtout des produits québécois en plus, qui est vraiment très, très intéressant. On est rendu, parce que moi, je travaille dans une SAQ sélection, puis on est rendu avec à peu près, je dirais, une bonne quinzaine de produits québécois au niveau des spiritueux. Là. C'est vraiment un marché qui se développe, puis c'est très le fun de voir des entreprises d'ici qui réussissent à percer, puis qui font des produits assez merveilleux, comme le Circa Sauvage, qui est pratiquement un des meilleurs, à mon avis, à moi, un des meilleurs gins qu'on vend à la SAQ présentement. Donc, si vous êtes un amateur de gin, allez vous le procurer. Je pense que même Mathieu, est-ce que tu l'as apprécié? Moi, j'aime bien quand même. C'est quelque chose que tu bois, en tout cas, moi, plus pour occasion, peut-être spécial, genre plus en shooter qu'en gros verre. Ben, tu vois, j'ai déjà goûté un gin tonic fait à base de Circa. Ça doit être bon. Puis, on y mettait une branche de thym. pour aller rechercher justement ces arômes-là de forêt, de, d'arbres, tout ça. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Alors, vraiment un très beau produit. Allez-vous le procurer si vous êtes un amateur de dune, vous ne le regretterez pas. Ouais, prenez le démo au pire, comme ça, le petit, la petite bouteille, ça fait la job. Il n'y en a pas partout, par exemple, du petit démo. J'en ai trouvé à Baie-Saint-Paul. Si vous passez par Charlevoix, allez vous en procurer. De toute façon, avec la SAQ, sans vouloir faire de publicité à outrance, ils font la livraison. Oui, c'est vrai. Aussi, je sais pas s'ils font les démos en livraison. Mais... aussi, c'est un gin que vous pouvez boire facilement en verre. T'sais, c'est nous autres, on l'a comme fait en shooter. Ouais. Mais en petit verre, que tu vas petite gorgée, comme si tu buvais du scotch aussi, c'est peut-être plus approprié. On essaiera de faire ça. Surtout avec des arômes comme ça, tu sais, c'est différent qu'un Bombay qui goûte pas vraiment grand chose. Non, c'est ça, tu sais, que la vodka, mettons, la Smirnoff que tu te bouches le nez avant de prendre. C'est là, on n'est pas là. Là, tu veux le sentir, le nez, esprit, c'est ça fait partie de l'expérience. Là, ça fait peut-être quoi, genre une minute que j'ai bu ma deuxième portion, puis là, ça a commencé à descendre, puis je me sens bien, puis je trouve que le goût était quand même bon. Et c'est mon baptême de. Pas vraiment, là, mais tu sais, je bois vraiment pas beaucoup de fort, donc il va falloir y aller graduellement. Je pense que t'as commencé par assez mollo. Oh, oui, effectivement. Puis je vais t'imaginer, je sais pas si vous connaissez Rick et Morty. Ouais. J'ai t'imaginer genre avoir le hockey comme Rick en faisant ton émission avec juste la petite affaire de balles. Ouais, c'est ça. Comment tu rentres dans le personnage pacté, genre c'est parfait. Ah ouais. Non, il est pas. Mathieu, il est en contrôle. Oui, tout à fait en contrôle. Mais j'apprécie vraiment la nouvelle formule. Pour vrai, c'est pas que j'ai pas aimé les trois pièces de suite, là, mais j'aime ça pouvoir embarquer avec toi et pouvoir parler un petit peu plus. Est-ce que du côté d'un gin, tu préfères la même. Parce que tu parlais que les gens pouvaient le boire directement au verre, tranquillement, un peu comme un scotch. Est-ce que tu ferais comme un verre, tu mouillerais ton verre ou tu le mets en ice ou juste de même? Ben moi je suis très conservateur avec les spiritueux. Ouais. Fait que moi je le verse en verre température pièce parce que ça permet vraiment de bien sentir la texture, bien sentir les arômes. C'est sûr qu'avec un spiritueux comme à partir de 30% d'alcool, je pense que ça ne gèle pas au congélateur. Donc c'est sûr que c'est le fun de l'avoir. Si vous l'aimez froid, vous pouvez le laisser au congélateur, ça ne gèlera pas. Fait que vous pouvez vous en servir une petite gorgée une fois de temps en temps. Ça garde le reste froid. Surtout si vous voulez le mélanger par exemple. Un rhum par exemple avec du coke. Tout va être vraiment froid, besoin de moins de glace, besoin de moins de diluer le mélange, ça peut être intéressant. Ouais. Mais moi, je l'aime bien. C'est sûr que je suis un amateur de scotch, fait que la température pièce, c'est vraiment mon meilleur ami. Pas mal c'est le plaisant, fun. Exactement. Tu vois que moi, mon niveau d'alcool, c'est les petits mix de slush pombé en ce moment. Tu vois que mon niveau d'alcool fort est pas. Mais il est bon, par exemple. Il est écœurant. C'est écœurant. Au melon d'eau, sérieux, là, si vous avez la chance d'en acheter comme une douzaine avant qu'il n'y en ait plus. Là. Ah, ben si tu veux, Mathieu, si t'en trouves plus, là, appelle-moi. On en a à peu près 80 caisses à Joliette, ça va me faire plaisir. Je suis vraiment très, très intéressé par ça. Excellent. Moi et tous les gens à qui j'en ai fait goûter ont vraiment été subjugués par le bon goût de ce pombé melon d'eau. C'est de la slush. Un petit sachet, comme du Capri Sun, mais c'est... Oui, c'est vrai. C'est malade, bref. Oui, puis il y a une autre affaire que je viens de réaliser que je pourrais faire pendant la chronique que j'ai pas faite aujourd'hui, c'est de vous dire où vous pouvez en trouver, parce que ça, c'est un produit de spécialité, il n'y en aura pas dans tous t'en les SQ. Tu peux mettre ça à table, donc tu peux le licher, si tu veux. C'est merveilleux. Comme un gars d'ITR qui ne veut pas faire sa bière. on vous aime, ITR, avec vos chiennes. On parle des chiennes oranges, là, ici. Oui, c'est important de préciser. Les étudiants d'ITR auraient compris, mais c'est vrai que ce ne sont pas seulement. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, je crois qu'il va être la nouvelle page spotted de QTR. On va juste rire des jeunes récréo. Il y en a deux, hein, page spotted maintenant. Une bonne puis une memes. Ouais. Vincent Boisvert s'est fait assez ramasser la semaine passée. Ouais. Il est là, hein. Et mon Dieu, j'ai rendu. Ah, les commentaires sont assez croustillants. C'est personnel. C'est ça. C'est plus juste les bacs. Non, au début, je trouvais ça un peu intense. Finalement, j'ai comme vu qu'il embarquait puis que, tu sais, c'était une gag puis que ça avait l'air compris de tout le monde. Ok. Finalement, c'est correct, mais C'est tout le temps les mêmes qui stackent dessus. C'est quand même drôle là, quand t'es dans le domaine de l'UQTR. Donc, allez voir la page. Là, c'est Spotted l'UQTR. Il y a L apostrophe puis la différence. L'autre qui est vraiment une page. Qui une est vraie sérieuse. Page Spotted, qui est comme. Le contenu est valable. L'autre c'est ça. C'est du contenu Internet. Là. C'est à la mind gag puis poussé encore plus loin. C'est ça. Quoi. C'est du. C'est quoi? C'est du Michien. Du Michien. C'est ça. Pas mal ça. C'est bref, on a fait sortir le méchant en goûtant ton alcool fort aujourd'hui et on espère pouvoir répéter l'expérience toutes les semaines. Définitivement. Parce que tu continues aux semaines. Oui, monsieur. Toujours les mercredis à 8h. Ok, oui. Alex Marchand, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de passer vous voir. Tellement le fun. Tu peux rester avec nous si tu veux. Ah, mais. Là, tu disais que tu fais pas le Movember? Non. Tu vas pas te laisser pousser la moustache? Non, non, non. Ben, je pense que parce que je me sens mal de faire un fake Movember. Ouais. Tant qu'à faire Movember, je vais récolter des dons. J'ai pas vraiment le temps pour ça cette année. Fait que je vais me laisser pousser ma barbe à longueur qu'elle était avant. Ouais. Peut-être que je vais rester comme ça, comme si j'étais un enfant. Tu vas faire le défi barbe rasée. Ouais. Exactement. Ouais, mais c'est drôle. Tantôt, on parlait de Hogsober. J'ai vu passer sur Internet, c'est comme genre le No Alcohol November. Ah, ça se peut. C'est comme la même affaire que l'October. C'est ça, je pense que les gens choisissent leur mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'Halloween, tu veux pouvoir boire. Mais exactement. Je trouve que c'est le jour de souvenir. Ah, mais c'est que le Movember, peut-être, c'est pour ça que le monde à la base le faisait pas en novembre. Mais je trouve que stratégiquement, c'est mieux de le faire en novembre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de fête. Mais je pense que le No Alcohol November, c'est pour accompagner les hommes qui font le Movember pour les filles. Ça se peut bien, ça. Je pense que j'ai déjà entendu parler de ça. Ça aurait du sens. Mm. Puis December, c'est genre descente en enfer. Mais t'as bien raison, Mathieu, ça existe. C'est Vailibre dans la Bidember. Le No Alcohol November, c'est quelque chose qui existe. It's a thing. Mais High five. C'est ça. It's mais je crois pas que ce soit pour une fondation ou quelconque. C'est juste pour le. C'est juste santé pour le défi. Autre, ouais, c'est ça. Avant de passer aux fêtes. Vous pouvez faire un don à MAD si vous voulez, Mother Against the Drunk and Driving. Mm-hmm. Ça peut être concept aussi. Ouais. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Ça c'est le pot, je pense. Ouais. La coke, c'est pas. Moi, je pensais que la coke, tu pouvais t'en mettre comme tes gencives. C'est pas ça? Mais il y en a qui le font, je pense. C'est ça. Mais ça le référent. Ça te magane les gencives. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Probablement. On a vu ça les photos. Ça brûle les gencives. Ouais. Mais c'est plus direct, j'imagine. Probablement. Mais c'est en même temps, je pense que c'est. Ça, je suis pas médecin, je suis pas étudiant en biologie, mais je pense que ça doit fonctionner avec des neurotransmetteurs. Oui, sûrement. Puis t'en as, je pense, t'en as pas mal ces gencives. Puis en même temps, il y a le concept de muqueuse aussi. Que tu sais, il y a des gens, je sais pas si vous avez entendu l'histoire, il y a des gens qui se rentraient des tamplons remplis de vodka, oui, genre oui, à des ça, endroits qui ne pouvaient pas aller. Parce que l'énéma de. Tu sais, il y en a qui font des énémas de café, hein, sûrement qui font des énémas de coke aussi. Tu sais, le truc dans les fous. Parce que justement, j'imagine que si les gens se mettent ça dans le nez, c'est parce que justement, d'une manière ou d'une autre, ça va se ramasser dans le système, puis pas juste. Tu sais, ça va pas dans. Ça va dans les voies respiratoires, je pense. Uh-huh. Mais j'imagine qu'en passant vers la gencive, ben, y a une muqueuse d'un côté, puis il y a des neurotransmetteurs aussi par là. Fait que ça doit fonctionner aussi bien que par le nez, en fait, ce médecin. Et là, je dois me corriger, j'ai dit enema, c'est en anglais, en français, c'est un lavement, on se comprend. Ah apparemment, c'est pour réduire les résidus du rail. Le rail? Qui sont plus sniffables. Donc, s'il en reste pas beaucoup, tu vas te la mettre sa gencive. Ah, OK. Je tiens à citer ta source qui est jeuxvideo.com. Quand même, mais c'est possible. Ils savent de quoi ils parlent. Parce que ça se résorbe à travers la muqueuse et ça rejoint la circulation sanguine. Wow. Par la gencive. Hey, j'étais pas payé avec mes muqueuses, hein? Ouais, pas payé. Un gars qui sait pas de quoi il parle. Ça a l'air vrai. Oui. Mais ça, faut que je fasse attention parce que des fois, je suis trop crédible. Oui, genre, en faisant ça, tu peux avoir de la gingivite. Donc, faites attention. Fait que la coke plus l'hystérite. Mon Dieu. Tu préfères une belle annonce, bordel. C'est malade. Ça n'a aucun sens. Je t'ai déjà remercié, Alex Marchand. Et on s'est déjà dit que tu t'en allais parce que t'as d'autres choses à faire, c'est ça? Oui, exact. Mais surtout une sieste. Ah oui, hein? Ben, j'ai un cours à midi, puis je pense pas que je vais être super en forme à date, là. Non. Ben, surtout si tu bois du gin de même à chaque chronique, Là, on va essayer peut-être. La prochaine fois, ça va être de l'amaretto. C'est plus smooth, 20% d'alcool. Ça paraît moins, hein? C'est ça goûte sucré. Oui. Ah, ce serait bon. Ah, ça le fait bien. Ça le fait très bien. Ah. Donc, dans une demi-heure environ, ça va être Gabriel Béhoud. Dans quelques instants, par contre, ce sera Tania. It's gonna be bien. On prend une pause et on revient. À sondage qui pour toi aujourd'hui. À sondage qui. De retour dans l'émission matinale Assemblage requis avec Tania Baudin. Hey Mathieu Plante. Et Alex Marchand. Non, j'ai plugué, je l'ai dit. dit non. C'est très drôle que les gars viennent de déguster du gin et dans le bloc de publicité, il y avait une publicité des alcooliques anonymes. Le timing parfait. C'est incroyable. Parfait, les gars. Oh, parfait. Ça ne fait pas mieux tomber. Bref. Merci encore, Alex Marchand. Mais là, c'est vrai que tu t'en vas. On voulait juste faire cette référence à DA. C'était excellent. Parce que, tu sais, dans AA, t'as Alex Marchand. Fait que tout est comme AM. Oui. Vu que c'est le matin. C'est ça. Pour être Alex, Alex, puis là, ça fonctionne. C'est ça. As-tu pensé que t'étais AM? T'es supposé être un gars matinal, vu que t'es AM? Ouais, ben justement, je suis pas très matinal pourtant, même si c'est mon nom, là. Je suis plus AM comme Arctic Monkeys. Oh, oh boy! Ouais, en fait, un album qui s'appelle AM, que je vous recommande d'ailleurs, qui est excellent. Wow. C'est l'album que j'ai probablement le plus écouté sur repeat dans ma vie. Ben, tu donc, une pièce à la prochaine fois. Ben ouais. Oh, ça pourrait être popé. C'est, en plus, c'est alternatif. Bon. Littéralement. Hein. On aime ça. C'est cool. Bon, yes. Maintenant, tu peux aller te coucher. Merci. Par là que nous, on va chanter un petit peu sur la chronique que Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do it! Je sais qu'on avait pas chanté hier. On avait pas chanté au complet hier. Je sais pas, je me souviens pas. Bref, Tania is gonna entertain. On parle de yeux aujourd'hui. Oui, exactement. Parce qu'en fait, souvent, on va parler de la santé du corps, on va parler de la santé en général, mais on pensera pas nécessairement à la santé de nos yeux. Ouais. Et pourtant, s'il y a une chose qui peut vieillir extrêmement rapidement sur notre corps, c'est bien les yeux. Ouais. Parce que c'est souvent la chose qu'on va dénigrer ou qu'on va oublier tout simplement d'essayer de peut-être préserver un petit peu mieux. Et j'ai quelques trucs pour vous ce matin. Parce que les yeux, on s'entend, c'est fort utile pour ceux qui ont la vue, évidemment. Mais pour accomplir aussi toutes les tâches de la journée. Donc, ça nous permet d'un peu de s'émerveiller devant un paysage d'automne, par exemple. Ça peut aussi voir le sourire des gens qu'on met au visage. On ne dit pas que tu peux pas vivre sans non, sans exactement, c'est parce sûr. À la radio, on a peut-être un grand public de personnes aveugles. Parce que, en tant que tel, tu perds rien. On ne sait pas, exactement. Donc, ça va de soi que la perte de vue, ça engendre évidemment une modification qui est assez importante de la qualité de nos yeux. Mais cette qualité-là, en théorie, si on s'en occupe bien, eh bien, nos yeux vont pouvoir avoir moins de complications au fil des années. C'est sûr que là, déjà, en partant de 2017, on le sait, les ordinateurs, c'est pas quelque chose qui fait en sorte que la santé de nos yeux va être préservée de façon exceptionnelle. Sûrement pas. Faut faire attention. Faut se donner le temps d'être un petit peu à l'écart de ces écrans bleus-là, qu'on appelle. Et même juste le plus possible. Il y en a qui, tu sais, comme moi, mettons, je vois bien de proche, mais pas de loin. Donc, en tant que tel à l'ordinateur, je pourrais enlever mes lunettes. Oui. Mais tu sais, faire l'action d'enlever, remettre, enlever, remettre. C'est on prend ça. Le raccourci de forcer nos yeux d'un bord ou de l'autre. Exactement. Dépendant de quel côté vous êtes. T'as bien raison. Ouais. Mais on veut surtout éviter ou ralentir autant que possible le développement des maladies aussi qui peuvent se développer au niveau de nos yeux, donc au niveau oculaire. Et il y a quelques petits trucs et astuces que vous pouvez porter à votre à vos journées, à votre quotidien pour faire en sorte que ça va aller mieux de votre côté. En premier lieu, c'est sûr que de voir notre spécialiste des soins de la vue au moins annuellement, c'est quelque chose qui est très important. C'est recommandé de visiter un optométriste régulièrement afin de justement pouvoir détecter plus tôt possible un trouble de la vue ou une maladie de l'œil, parce qu'on n'y pense pas. On se dit, bon, je commence à moins bien voir, peut-être, mais on ne pense pas nécessairement aux maladies qui peuvent justement se déclencher au niveau des yeux. On pense tout simplement qu'on commence à être vieux ou justement, il y a trop d'ordinateurs. Mais ça peut très bien être une maladie. Donc, c'est important d'aller faire un petit tour chez notre optométriste. Non, en tant que tel, on va tout le temps faire un check-up chez le médecin généraliste, mais il regarde pas tout le temps tes yeux. Fait combien de temps que tu es allé voir ton optométriste? Pas 5, 6 ans, oui. C'est ça. Non, je sais que je suis dû en plus. Moi aussi, là. T'sais. Ben, quand moi, je commence à forcer. Puis... C'est ça. Je suis très, très dû, mettons. Ouais. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Ça va permettre d'éviter des séquelles, surtout chez les jeunes enfants, pensez-y, mais chez les personnes de 40 ans et plus aussi, parce qu'on parle, par exemple, des cataractes, on parle de certaines maladies au niveau des yeux qui peuvent être beaucoup plus problématiques après 40 ans. Donc, les troubles de la vue, ça comprend, par exemple, la presbytie. Si, mais oui. Si, la presbytie, oui, t'as bien raison. La myopie, ça, c'est de moins bien voir de loin. J'ai toute la misère avec ces deux-là, la mais myopie. Ça, la myopie, c'est tu vois pas de loin. OK. T'as de la difficulté de loin, si je me souviens. Et l'autre, de proche, c'est? De proche. Presbytie. Ou le... C'était pas l'essentiel de la chronique, non, tout ça, c'est mais ça, exactement. Ouais. Donc, bon, il y a plusieurs, problèmes qui sont reliés aux troubles de la vie. Aussi, l'astigmatisme, oui. Le strabisme. Donc, mm-hmm. J'imagine que c'est... pas les yeux croches, hein? Je pense que oui, si je me souviens bien, c'est ça. Donc, il y a certains troubles qui peuvent être corrigés chez les jeunes enfants si on les détecte rapidement. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec la venue des ordinateurs, le fait qu'on passe beaucoup de temps devant des écrans... Que ce soit notre cellulaire ou que ce soit notre écran d'ordinateur, bien, ça peut se développer beaucoup plus tard. Donc, allez faire un tour, même si vous êtes, par exemple, dans la mi-vingtaine ou dans la début-vingtaine, début-trentaine, c'est souvent là qu'on va voir les répercussions de tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est cellulaire. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Les maladies de l'œil sont nombreuses. La majorité peuvent être traitées avant d'affecter notre vue. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire un petit tour aussi. C'est l'importance de diagnostiquer, justement, rapidement... avec un expert de la vue. Et on peut consulter rapidement un optométriste ou un médecin si, par exemple, vous ressentez de la douleur à l'intérieur de vos yeux. C'est pas quelque chose de normal, sachez-le. Si vous présentez une sensibilité à la lumière, si vous avez des perturbations de vision, donc si, par exemple, à un moment donné, ça vient flou pour vous à certains moments, ou si vous voyez des points noirs ou des points blancs, parfois, c'est ce qu'on va appeler une perturbation de la vision. Et si vous éprouvez n'importe quel autre symptôme inhabituel au niveau de votre vue, c'est assez pour pouvoir consulter très rapidement un optométriste. Donc, ça vous donne une puce à l'oreille. Oui, ça si commence jamais, à m'en donner. Ouais. C'est ça, exactement. Là, je suis comme bon, on m'a pas l'air de me tirer là, t'es vous. Hein? Les petits points noirs, des fois, dans ma vision, j'ai ça des fois. Oui, c'est parfois, ça vient avec les étourdissements, tout ouais. ça. Oui, exactement. Ouais. Il faut faire attention au soleil, bien évidemment, pour préserver la santé de nos yeux. Les rayons du soleil, on le sait, on le répète tout le temps. Je pense que la plupart, on le sait depuis qu'on est jeune, mais ça peut provoquer certaines maladies des yeux et ça peut aussi contribuer à leur développement. Comme par exemple le cataracte, le soleil, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va s'accentuer. Donc, si on veut ralentir, par exemple, le développement d'une cataracte, bien, c'est important de porter des lunettes de soleil. Ouais. Donc, la peau, les yeux, ça peut subir un coup de soleil. Ça peut causer une irritation, de la rougeur, un larmoiement, un grand inconfort, mais aussi de la douleur ou une sensibilisation qui va être de style granuleuse. Ça peut vous donner une indication, par exemple, si vous êtes en été, vous avez passé la journée à l'extérieur au gros soleil, que vous avez attrapé un coup de soleil aux yeux. C'est dangereux, ça aussi. Là. Malheureusement, on ne peut pas faire en sorte qu'on puisse mettre de la crème solaire sur les yeux. La seule solution, là, c'est les lunettes de soleil. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais été voir une optométriste et bon, à la suite de quelque chose qui était arrivé, on m'avait dit « Va falloir que tu portes des lunettes de soleil, même l'hiver. » Ah oui. Mais quand tu es jeune... Puis que t'es la seule à l'école à porter des lunettes de soleil l'hiver, c'est un peu bizarre. Ouais. Aujourd'hui, je le sais. Tu sais, je les mets parce que je l'ai pas fait pendant plusieurs années et je sais que ça fait en sorte que mes yeux ont forcé beaucoup. C'est sûrement quasiment pire parce que la neige doit refléter le soleil. Exactement. C'est justement pour ça. Le reflet de la neige, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que ça va aggraver l'état de vos yeux. Donc, pensez-y. Non, vous allez pas avoir l'air niaiseux. Vous allez tout simplement avoir des yeux qui vont être en meilleure santé. Ouais. Juste ça comme ça. Justement, pour faire attention au soleil, autre que les lunettes de soleil, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut porter une casquette ou un chapeau à large bord. Et on peut aussi, bien évidemment, rechercher l'ombre lorsque c'est possible, d'essayer de marcher le plus longtemps possible à l'ombre si on fait des activités extérieures ou quoi que ce soit. Il faut avoir une bonne alimentation. Je vais tomber là-dessus tout à l'heure. Mais on peut remplir nos assiettes considérablement de choses qui vont accentuer la santé de nos yeux. Il y a plusieurs aliments qui peuvent réussir justement à préserver notre santé au niveau oculaire. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Faire de l'exercice. Ça peut sembler complètement stupide avec les yeux, mais si vous êtes en santé, vos yeux vont l'être aussi. Donc, en faisant de l'exercice, vous allez réduire vos risques de souffrir de certaines maladies, comme par exemple l'hypertension ou le diabète. Ah. Et si vous maintenez un poids santé, bien, ça va aider aussi à la préservation de vos yeux. Donc, c'est une mesure qui, par ricochet, va favoriser tout ce qui est oculaire. Donc, c'est sûr que si vous ne faites pas d'hypertension, vous n'allez pas avoir de problème au niveau sanguin. Vous n'allez pas avoir de problème au niveau de la circulation aussi. Donc, c'est quelque chose qu'en considération, on ne prend pas, mais les yeux vont y passer. Pensez-y. Si vous êtes du type à fumer, cessez de fumer. Simple de même. Hein? C'est simple comme ça. Parce qu'en fait, comme vous le savez, le tabagisme, ça cause de nombreux dommages partout dans le corps, surtout aux poumons. Mais les yeux, ça fait pas exception. Ah oui? On pense souvent que ça fait exception, mais non. Parce qu'on estime en fait qu'un fumeur a 7 fois plus de chances de souffrir d'une maladie oculaire qu'un non-fumeur. Wow. Pourquoi? La fumée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, fumer, ça a pour effet d'assécher vos yeux. Ah. Et des yeux asséchés, c'est aucunement bon pour la santé oculaire, justement. Donc, si on abandonne la cigarette, vous allez contribuer de façon quand même assez significative à la santé de vos yeux par la muqueuse et le liquide qui va toujours y être. Si vous fumez un paquet par jour, là, imaginez à quel point vos yeux sont secs. Prenez vos gouttes au pire. Prenez-vous des gouttes, oui, c'est... Trompez-vous pas avec les petites gouttes de saveur pour votre cigarette électronique. Là. Non, c'est sûr. Reposer nos yeux, ça a l'air de rien. Moi, je me rappelle du temps où, quand j'étais jeune, mon père s'endormait devant la télévision, puis on lui disait, puis il disait « Non, je repose mes yeux. Il disait « Je repose mes paupières. » Bien, en fait, afin d'éviter que les yeux travaillent beaucoup trop fort, il y a une zone de travail qui est bien éclairée pour les yeux. Ça prend des pauses. Ouais. Si vous êtes en train d'étudier là, toute une soirée de temps, par exemple, bien, en regardant loin, toutes les 30 minutes quand vous allez lire, que ce soit sur un écran, que ce soit dans un livre, si vous écrivez ou si vous travaillez justement là, à faire plusieurs choses qui demandent un focus quelconque, aux 30 minutes, vous allez lever vos yeux et regarder au loin. Bonne idée. Nous, tous les 30 minutes. Mettez-vous un alarme au pire. Oui, ben oui, il y a des applications pour ça. Exactement. En studio, on a des pieds de micro d'en face. Je pense qu'il faut qu'on focus sur la face de l'autre. J'ai l'impression que nos yeux ne doivent pas aimer ça. C'est sûr. Même. Moi, en tout cas, mes yeux, à un moment donné, Stravinsky, c'est ça, exactement. Donc, en faisant ça, en fait, vos yeux vont être beaucoup moins fatigués et vous n'allez jamais fixer une source de lumière très lumineuse, OK? Ou le soleil. Faites pas comme Donald Trump. C'est ça. Vous allez éviter d'endommager votre rétine au mieux et les pauses de 30 minutes. Vous pouvez aussi les faire pas mal n'importe quand. C'est sûr, si vous avez un trajet de route à faire pendant 3h30, faites attention, tu sais. Puis garde les vaches. Mais c'est parce que conduire pendant très longtemps, ça affecte vos yeux aussi. C'est un focus, c'est une concentration. Puis, on s'en rend peut-être pas compte, mais on va beaucoup moins cligner des yeux. Ah oui, parce qu'on est concentré. Parce qu'on va être très, très focussé. Donc, la pause de tout simplement lever les yeux va vous permettre de pouvoir focusser pendant un bon moment avant de retourner à vos tâches que vous êtes en train de faire. On parlait des petites gouttes tout à l'heure, Mathieu. Bien, essayer de garder nos yeux hydratés, c'est quelque chose qui est très important aussi. Parce que pour bien fonctionner, les yeux doivent conserver leur hydratation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à les rendre plus secs. Comme on parlait de la cigarette tout à l'heure avec sa fumée, la pollution, un chauffage excessif dans une pièce, ça peut faire en sorte que vous allez avoir, oui, le nez sec, la gorge sèche, mais vous allez aussi avoir les yeux très, très secs. Donc, sachez-le. La prise de certains médicaments, ça peut aggraver l'assèchement de vos yeux. Il y a des maladies aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais prenez l'habitude de cligner des yeux beaucoup plus souvent. Ouais. On s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose c'est que le corps fait naturellement. Mais si vous vous dites « Hey, ça fait-tu longtemps que j'ai pas cligné des yeux? » Bien, c'est peut-être l'idée de vous dire « Moi, à un moment donné, pour la cause, je cligne des yeux 10 fois de suite. » C'est vrai. Parce qu'en fait, le clignement d'yeux, c'est ce qui fait que l'hydratation de vos yeux se fait. Mm-hmm. C'est ce moment-là qui fait en sorte que vos yeux vont pouvoir regagner en humidité, en humidification et avec le petit liquide. Donc, si vous présentez de la sécheresse oculaire, faites l'usage de gouttes lubrifiantes aussi. Ayez pas peur, il y en a plein de ça. Ayez pas peur, Jennifer Aniston en annonce à la TV des gouttes pour les yeux. Exactement, puis au pire, vous demandez au pharmacien. C'est ça. Tu sais, si vous avez peur ou si vous prenez des médicaments quelconques, pensez-y. Mais votre pharmacien, comme je le disais, va pouvoir vous conseiller sur le choix d'un produit et son usage. Hein? Combien de fois on s'en met dans les yeux, là, c'est peut-être ça. Puis il y a différentes sortes de gouttes pour différents symptômes. C'est les yeux rouges, c'est les yeux si ça. Exactement. Tout à l'heure, on parlait d'alimentation. Je vous disais que j'allais y revenir. Il y a des aliments qui sont merveilleux pour la santé de nos yeux. On parle souvent des carottes. Ouais. C'est vrai. En fait, les légumes qui sont orangés, ça contient une très, très grande quantité de bêta-carotène. En d'autres mots, ça prévient effectivement les maladies oculaires, mais les antioxydants qui sont contenus à l'intérieur de ces aliments-là vont aussi contribuer à protéger le corps des maladies qui sont provoquées par les dommages oxydatifs, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, le cancer, ce genre de choses-là. Donc, l'histoire des carottes pour avoir une bonne vue, là, bien, c'était pas un mythe. C'est vrai. Elle éloigne peut-être pas les lunettes, comme le disaient nos parents quand on était jeunes, pour qu'on puisse manger nos carottes dans notre assiette. Ouais, on entend tout le temps une carotte par jour éloigne les lunettes pour toujours. Là. C'est pas vrai, ça. OK, on s'entend, c'est pas vrai. Mais les patates douces, c'est orangé aussi. Mm-hmm. Donc, ça peut très bien aider à avoir une meilleure vision. C'est juste que lorsqu'on le sait, on va peut-être porter un petit peu plus attention à ce qu'on mange de ce côté-là. Il y a les légumes à feuilles vertes aussi qui peuvent très bien aider à la santé oculaire. Donc, tout ce qui est kale, épinards, feuilles de pissenlit, la laitue romaine, le radicchio, la laitue frisée, la roquette. OK, vous savez là, de quoi je parle. J'ai pas besoin de toutes les énumérer. Bien, c'est effectivement des légumes à feuilles vertes qui remportent la compétition des aliments qui sont les meilleurs pour les yeux. Ça, nos parents ne savaient pas, hein, parce qu'ils nous auraient fait manger de la salade en tabarouette. Ah. Ça contient tous les nutriments qui sont nécessaires à la santé des yeux. Donc, non, nos parents ne nous ont pas menti pour les carottes, mais ils ne savaient pas pour la salade. D'après moi. Et ils ont menti pour bien d'autres affaires pour compenser. Exactement. Mais ils ont quand même bien fait de nous obliger à les manger parce que ça a quand même gardé nos yeux à un certain niveau de santé pendant plusieurs années, ce qui est très, très bon aux jeunes âges, comme je le disais tout à l'heure. C'est souvent là qu'on va pouvoir déterminer si un enfant va avoir besoin de lunettes ou quoi que ce soit. Donc, de pouvoir manger plus de légumes verts à feuilles vertes, surtout, et de légumes oranges, bien, ça fait en sorte que ça va peut-être y donner une meilleure chance à son examen de la vue. Les poissons qui sont gras sont aussi des aliments qui peuvent aider à la santé de nos yeux. Probablement le seul bon aliment gras qui est bon pour la santé, en fait. Ouais. Donc, on va essayer d'en profiter. Mais il y a des recherches qui ont prouvé que la consommation de poissons gras, ça a des effets protecteurs contre la dégénérescence maculaire qui est liée à l'âge. On parlait des cataractes tout à l'heure. On parlait de la sécheresse au niveau des yeux. Bien, tout ça, ça peut être contré. Pas nécessairement au complet, mais ça peut aider grâce au poisson gras. Donc, il faudrait en manger 2 à 4 portions par semaine pour éviter les problèmes oculaires qui sont liés à l'âge. Et là, quand je parle de poisson gras, je parle de saumon sauvage, je parle de sardines, je parle de thon et je parle aussi de truite arc-en-ciel. Donc, faites-vous une petite épicerie là, au niveau des poissons, là, puis dites-vous que vous allez vous donner un petit boost de santé oculaire pendant un moment, puis c'est sûr et certain que ça va aider votre cause. Les œufs. On n'y pense pas souvent, mais les œufs, ça contient plusieurs éléments nutritifs pour les yeux, comme par exemple la vitamine E, la luthiénine, la zéaxanthine, les acides gras oméga 3 et du zinc. Donc tout ça, là, ça fait aussi partie du top des aliments qui sont bons pour la santé oculaire. Donc le burrito matin de la chasse-galerie est dans ton top des nourritures à manger. Peut-être pas le bacon qu'il y a à l'intérieur, mais si vous mangez des œufs, si vous êtes du style à vous faire, par exemple, des omelettes ou peu importe, c'est quelque chose qui aide à la santé de vos yeux, sachez-le. Donc, vous pouvez le mélanger à quelque chose qui va améliorer le goût, par exemple, comme on parlait de légumes orangés tout à l'heure, des carottes, des légumes verts, du brocoli, des pois verts, des haricots verts, tout ça. Ça va faire en sorte que, non, ça éloignera pas les lunettes, on s'entend, si vous avez besoin de soins au niveau oculaire, ça enlèvera pas vos lunettes du jour au lendemain. Ouais. Là. Mais ça va améliorer votre santé de la vue, sachez-le. Puis, il y a aussi les fruits et les jus qui peuvent aider à vos yeux. Les fruits, c'est aussi haut... Voyons, c'est haut en teneur de vitamine C. Oui. Donc, il y a de nombreux antioxydants qui vont aider à prévenir les maladies oculaires. Quand je parle de maladies oculaires, là, je fais vraiment référence aux cataractes, aux grandes sécheresses. Je parle pas, par exemple, de myopie ou quoi que ce soit. Là. C'est pour ça que je vous dis que ça éloignera pas vos lunettes, mais ça va aider, par exemple, à ce que vos yeux soient moins fatigués rapidement ou à ce que vos yeux vont vieillir moins rapidement. Donc, c'est des choses qui sont bonnes à prendre en considération. Et il y a des viandes aussi qui sont maigres. Tout à l'heure, on parlait de poisson gras, mais la dinde, les fruits de mer, c'est des choses qui vont tous aider à vos yeux. Donc, pensez-y lorsque vous allez faire votre épicerie, non seulement pour la bonne santé de votre corps, mais aussi pour les deux trucs qu'on a en plein milieu du visage. Auxquels on pense rarement. Exactement. Sauf quand c'est le moment de faire un déguisement pour l'Halloween. Tout à fait. Je vais mettre un lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis. En fait, c'est le top 10 des aliments qui gardent vos yeux en santé. Puis il y en a beaucoup là, que je n'ai pas nommé pendant la chronique, mais allez faire un tour, regardez. Et vous allez vous trouver une liste d'épiceries vite fait, bien fait. C'est charmant, ça. Merci beaucoup, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Ah, quand même, sur les yeux. On fait Tania's Gun Entertainer, oui, tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Et comme on parle de yeux, un personnage qui a de la misère avec ses yeux et qui, s'il voit de la lumière, il est beaucoup moins puissant. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Gabriel Béhoud? Gabriel? Oui. Est-ce que ça fait penser à quelqu'un qui a de la misère avec le soleil, qui est photophobe? Un vampire. Ouais, mais un personnage spécifique, mettons, qui Dracula? Pourrait mourir. Exactement! Oh. Oui. Et ça me ramène la pièce que t'as pas fait jouer hier, fait que j'ai trouvé un lien pour la faire jouer aujourd'hui. Voici Gorillaz et Dracula tout de suite à Assemblage Requis. Gorillaz. Ben oui, moi qui disais, hey, ça ressemble à du Gorillaz. C'est normal. Gab a zéro écouté la présentation de la toune avant personne qu'on aille m'écoute, en musique. Comme... Il me cachait du soleil. Ouais. Mais tu l'as dit, hein, Dracula, s'il regarde le soleil, il se transforme en sang, ça? Automatiquement. Fait que c'est pour ça qu'on l'a joué dans la chronique sur les yeux. Mm-hmm. Ben oui. Ça le sens. Exactement. C'est vrai. C'était donc la chronique de Tania Esgolato Génial. La pièce faisait partie de ça. Faut quand même l'avouer, le révéler. Ben oui, pas le choix. Au retour de la pause, vous avez entendu Gabriel Béhoud, il va être là. De quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique? On va parler du match de lundi qui opposait les Bleus Rouges et du match de la semaine prochaine qui opposera deux équipes. je tiens à dire que moi j'ai croisé Gabriel Béhoud dans le corridor lundi. Ouais. Il est en train de faire de l'aérobie. ouais. Okay. Ah, ouais. On en reparle tantôt, okay? D'accord. On va raconter ça, on va même vous donner des instructions pour le faire à la messe. Voilà. C'est fou! 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Gabriel Béhoud. Hey, ça va bien ce matin? Ouais, super, super. C'est toujours Assemblage Requis. On se mercredi matin du 1er novembre 2017. Tania Baudin, là. Et le Mathieu Plante. Le lendemain de l'Halloween. Mais hein, début de nouveau mois. Mais l'Halloween, tu l'as passé comment? J'ai fait une conférence par Skype afin de préparer un oral. Wow! Party time! Ouais, c'est là que tu sais que t'as plus 17. T'as plus 20. T'as plus 14 ans. Comme... Fait que Kevin Spacey va non. pas... Non. Faut s'essayer. Mais j'ai l'impression que ta nouvelle que t'essayais de sortir sur... Ah non, je te jure. Je crois que c'est une fausse nouvelle. Probablement. Probablement. J'ai pas fake trouvé ça news. Sur... Fake news. C'est pas sur Google l'actualité, en tout cas. Kevin Spacey qui serait maître d'un ring de pédophilie, ça sort ah, curieux ce un peu. Serait... Ce serait... Ma foi... Surprenant. Oui. C'est ça, t'allais dire autre chose. Non. Ça serait surprenant, mais serait ça serait pas impossible. Ça serait drôle. Les gars inappropriés de Gabriel Béhoud. Ouais, c'est ça. Bref. Alors, on aime ça. C'est pour ça qu'on l'invite chaque semaine pour parler d'improvisation dans les coulisses de la Luitre. Ça améliore tellement cette intro-là quand on sort par-dessus. Ben, c'est sûr. C'est sûr que oui. Donc, Gabriel Béhoud, qui est le capitaine de l'équipe des Rouges. Oui. De la Ligue oui. universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Certain. Mm-hmm. Et il y avait un match lundi. Oui, on a eu un match entre les Rouges et les Bleus. Ouais. Un match qui s'est soldé, on va le dire tout de suite, là, par la marque de 9-7 ouais. pour les Rouges. C'est le même score que l'autre match juste avant la relâche. Possiblement. C'est des matchs qui sont quand même relativement serrés. Ouais. On a essayé. Qui a failli finir avec une égalité, celui-là. Oui, à cause des pénalités. Hein? Ouais. Oui, un match où l'arbitre Alexandre Ramizouki, ancien joueur des Verts, des Oranges, qui a joué dans plusieurs couleurs, là, lui, là. Il a sévi énormément. Oui, c'est vrai. Il n'arrêtait pas. Hein? On dirait que cette année, je ne sais pas si c'est le début de la saison, mais tous les arbitres ont l'air de se donner à cœur joie. Mais ils imposent. Exactement. Ouais. Leur force. Voilà. C'est ça. Mais non, ce fut un bon match, je pense. Oui. On a eu droit à plusieurs catégories assez le fun. Tantôt, Tania parlait de la danse dans le corridor. L'aérobie. Oui. En fait, ça, c'est une forme d'échauffement. On a décidé de faire des... C'est Marc Lachance qui nous est arrivé avec ça. Je pense que plusieurs équipes d'impro, peu importe la ligue, qui font des petits échauffements. Mm-hmm. des goalers qu'on appelle. Mais physique, là, parce que vous jouez quand même physique sur, sur l'improvisoire. Oui, exactement, mais c'est niaiseux, mais d'être un petit peu essoufflé avant d'embarquer sur l'improvisoire, c'est fun parce que notre cœur, il a pompé un petit peu, tu sais. Donc on arrive, on n'est pas amorphe. Mais est-ce que vous, c'est pas juste physique, là, c'est mental, c'est oral aussi, l'improvisation. Est-ce que vous faites un petit entraînement des oral? Non, on fait pas ça. Non? Ben, en tout cas, pas moi. Là, non. Puis ni les rouges. OK. Je sais pas si les autres équipes font ce genre de... Je me le demande. Peut-être juste... C'est le seul que j'ai vu, en tout cas. Ouais. Ouais, non. Pas de l'articulation, mettons, nécessairement, mais peut-être genre des gags rapides, tu sais, genre la première fois que tu es en tête. Exact, ça, souvent... Ça, on appelle ça un goaler. C'est simple, c'est qu'il y a une personne qui est comme le gardien de but. Oui. Et puis les autres doivent se présenter au gardien de but, faire une très courte improvisation, 2-3 répliques maximum. Mm-hmm. Et puis là, on détermine est-ce que le goaler a su faire les arrêts, donc a su... gaguer. Exactement. Ouais. Bien jouer avec son partenaire. Donc, si c'est le cas, il demeure en place, il demeure gardien de but. Alors que si c'est fait déjouer ou... Justement, il n'a pas d'idée quoi répondre à la personne qui se présente à lui. Son personnage est vraiment pas clair, etc. Eh bien là, c'est la personne qui l'a déstabilisé à devenir le gardien de but. Mm-hmm. C'est un des échauffements qui est très, très, très classique. Là. Okay. Il y en a qui font des échauffements un peu de camp de jour. C'était notre cas là, avec la danse. mais il y a des parties de Aya. Je sais pas si... Non? En fait, c'est qu'il y a 4 ou 5 mouvements. Soit tu peux tirer au pistolet quelqu'un, donc là, lui, il doit tirer quelqu'un d'autre. Ensuite, si tu fais un mouvement de karaté vers la gauche, mais là, tout le monde doit passer le mouvement de karaté vers la gauche, à moins que tu renvoies un powerball à quelqu'un. En tout cas, c'est compliqué, oui. Là, mais moi, c'est pas du tout mon genre. Non. Je trouve qu'il faut être trop allumé. Là. C'est comme des jeux de société où il faut mettre sa main le plus rapidement. Oui, ben c'est ça, des réflexes, si on veut. Je suis pourri là-dedans. Tu sais, il y a le jeu classique de Who's Line Is It Anyway où tout le monde est soit debout, penché ou assis. Ah, ça, c'est la pire c'est catégorie. C'est super difficile parce que tu sois vraiment au courant de tout le monde et créer une improvisation. Oui, en même temps. Ils sont dans une classe à part, eux aussi. Ah, vraiment. Ils sont vraiment très forts. Ils sont des décennies. Mm-hmm. Puis, non, c'est Sit, Stand, or Duck. Moi, je m'appelle plus, mais c'est pas mal debout, penché ou ouais, assis. C'est ça. Ça, c'est infaisable. Tout le monde doit avoir une de ces positions-là. C'est à chaque son de sonnette ou de sifflet, là. Eh bien, tu dois assumer une de ces 3 positions-là et les autres ne doivent pas assumer la même que toi. Non, c'est ça. Et ça, c'est dans la version un petit peu plus simple parce que des fois, dans leur version plus compliquée, c'est eux-mêmes qui décident de changer de position et les autres doivent s'adapter. Oh, c'est encore plus difficile. C'est très compliqué. Hier, le match, justement, a commencé par un petit échauffement. Oui, c'est ça. Je voulais justement en parler. C'est que c'est un échauffement qui est vraiment... Moi, je trouve ça super le fun. Le popcorn. C'est, exactement. Et puis, il y en a qui peuvent trouver ça moins intéressant puisque il y a moins de discussions entre les joueurs. C'est des petits gags rapides. Exactement. C'est souvent des gags faciles parce que c'est les premiers qui te sortent de la tête. Là, exactement. Puis de là, l'intérêt de le mettre en première partie du match, première improvisation, tout. Parce que généralement, c'est là que tu veux évacuer la grande quantité de sauce que tu pourrais dire durant le match, c'est de blagues vraiment, à ma foi. Bien ordinaire c'est ou ça. Très évidente. Mais tu sais, c'est l'arbitre te donne genre quoi ne pas dire, quoi ne pas faire lors d'un baptême, puis là, les gens pop quand ils veulent, y a pas de, c'est pas déterminé d'avance. C'est non, celui qu'un gars y va, ça. Exactement. Mm. Donc, c'est vraiment de là le surnom popcorn, c'est que les personnes pop font leur intervention et disparaissent à quelqu'un d'autre de popper par la suite. C'est souvent fait sous la forme de quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Justement, on impose un lieu. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait jamais à la bibliothèque? Ça a été d'ailleurs un des lieux qui a été nommé. Et c'est plus, plus dirigé comme improvisation que la plupart des improvisations où c'est un mot, tu sais, genre... Non, c'est ça, exact. Ça sort demain, ou c'est, ça t'inspire pas nécessairement. C'est pas un thème vague où on peut vraiment improviser avec une mise en scène. C'est plutôt, tu te présentes dans ce lieu-là où t'es une personne qui était déjà dans ce lieu-là, et puis tu fais quelque chose... Que tu verrais jamais ou que tu ferais vraiment pas dans ce genre de lieu. Évidemment, tu sais, mettons, je sais pas quoi ne pas dire, qu'on ne pas faire dans une bibliothèque, tu vas avoir des gens qui s'embrassent, tu vas avoir des gens qui crient, des trucs des gens comme ça. Qui crient un livre avec des pages collantes. Oui. Ce genre de blagues-là. Là. C'est ça marche bien. C'est des blagues faciles. Ouais. Mais le public aime ça. En même temps, ça chauffe la salle, ce qui est intéressant. Et puis les improvisateurs, ben moi j'aime bien ça. Il y en a d'autres qui aiment moins ça parce qu'il faut être. Faut savoir aussi jouer du coude, exact, parce que les 3-4 gags vraiment faciles, qui punch que bien. Que tout le monde va avoir en tête, faut que tu sois le premier à aller la dire. T'es en plein ça. C'est, faut que tu sois le premier à faire comme, bon, ben moi j'y vais puis je le fais, ce petit gag plate-là, mais qui au final, il est drôle, ce gag-là. Là. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lèvent des fois en même temps, puis tu tasses l'autre puis tu y ailles plus vite. Bref, on a passé beaucoup de temps sur une seule improvisation. Il y en a eu d'autres dans la soirée, évidemment. Qu'est-ce qui t'a marqué? On a eu droit à l'improvisation littéraire, c'était la 35e, si je ne m'abuse. Ça se peut? Une improvisation littéraire qui était sur le premier roman québécois, l'influence d'un livre, l'auteur, Philippe Aubert de Gaspé, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, quelque chose de genre. On a eu droit à une impro... Fils. Oui, c'est le fils. Pas le père. Pas le bonhomme. Ouais. On a eu droit à une improvisation... qui était comme un genre de conte de fées, un genre de trois petits cochons bizarres que j'ai narré. Ben c'est ça, j'allais dire, t'as fait beaucoup de narration hier. Oui, sur celle-là. Avant-hier, ouais. Mais on a eu d'autres impros. Je t'avouerais que jouant souvent en deuxième, il y a quelques impros que j'ai échappé des bleus. Ils ont cependant eu des belles impros. Ils en ont une où ils ont fait ils se sont imposés une genre de comédie musicale. C'était pas demandé. C'était très intéressant et audacieux. D'ailleurs, ils ont eu le point sur cette improvisation-là. Ça faisait un peu Grease ou quelque chose d'adolescent. Ouais, c'était le fun. C'était deux gars, deux filles qui se rencontrent dans un party. Et puis, avant d'aller parler à la fille, le garçon qui était Jonathan Picard, si je ne m'abuse, demandait sans cesse conseil à l'autre garçon. Et puis, même chose pour la fille, demander sans cesse conseil à l'autre fille pour au final arriver à la conclusion de « Ben, on peut-tu vivre dans un monde où les gars parlent aux filles et les filles parlent aux gars au lieu de se parler entre gaga et filles-filles? » C'était quand même drôle, c'est une belle impro. Ouais. Sinon, on a eu des catégories particulières, on n'a pas eu beaucoup. Hein. Non, c'était assez classique. On a eu une chantée qui était légèrement confuse. C'est un peu le danger avec des chanteurs en mixte, puisque... Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. D'avance. Ouais. Et puis, c'est audacieux à l'enchanter. Tu peux te planter d'aplomb en chanter. Ouais. Fait que c'est dangereux. Mais en mix, ça rajoute un degré de difficulté puisque, par exemple, si tu vas en comparer lors du caucus, je vais juste expliquer pour les personnes qui viennent d'arriver. Ouais, c'est d'improvisation, ça. En mix, c'est les deux équipes qui jouent ensemble sans avoir discuté auparavant. Ouais. Donc, ils embarquent sur l'improvisoire et puis ils doivent se mettre à chanter ensemble par rapport au thème. Et là, ils sont pas donnés de style musical, ils sont pas donnés rien. Non, exact. Tandis que en comparé, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est d'ailleurs, je pense que c'est une des façons de faire un bon caucus d'une chantée, ou en tout cas, je pense que c'est ce que pas mal tout le monde fait. On dit, on y va en hip-hop, on y va en country, on y va en rock and roll. C'est avec un beat de base, mais ça va être rock. Exact. Puis là, après, tu sais, surtout qu'en comparé, tu peux décider d'un refrain qui peut revenir, tu sais. Mais en mix, c'est très difficile. Ça donne des impros qui peuvent être très comiques parce que parfois, plus ou moins bien exécutés, mais si on réussit à bien rattraper ça, je pense que ça a été le cas. Ouais. Ça fait quelque chose d'intéressant, mais un peu cacophonie. Absolument. Dans tous les sens du terme. Il y a eu quelques improvisations. Je me rappelle Alexandre Laramie-Zwicky, l'arbitre, qui a donné quelques retards de jeu, au moins un d'improvisation à un moment donné qui aboutissait pas. Non, c'est le problème qu'on a des fois en improvisation de vouloir créer quelque chose, sauf que là, ça tourne en rond. Mm-hmm. Puis à un moment donné, vers la fin, tout se passe. Exact. Ça arrive une fois. C'est un des exercices que les Rouges, on s'est un peu forcé, je pense, pour ce match-là. On a essayé de conclure la plupart de nos improvisations. Ça a fonctionné dans certains cas. Puis justement, ça donne une fin d'impro, ma foi, beaucoup plus intéressante. Faut que ça punche à la fin, oui. Oui. Puis pas nécessairement un punch, c'est juste de boucler la boucle. Ouais. C'est pas obligé d'être un punch. Pas laisser mieux, les gens sur une histoire pas de fin, ça arrive. C'est moyen, oui. Ouais, mais c'est aussi une des choses. De l'impro. C'est ça, c'est le sport. Là. Exact. Tu peux arriver à faire un but au basketball après le buzzer. Ah ouais, exact. Il y a ça de main. Et voilà. Ça arrive. Ben oui. Mais non, on a eu un beau match entre les deux et les rouges. Oui. On a eu des belles propositions. C'était très plaisant. Très charmant. Le prochain match, c'est lundi prochain. Là. On est parti sur une lignée là, après avoir fait match pas de match pendant ça un bon temps. Ça joue jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Donc le prochain, c'est le 6 novembre. C'est entre les oranges et les verts. Oui, les deux couleurs de l'Halloween qui se prennent une semaine après. Non, ça devrait être un très bon match. Dans le fond, les verts, c'est l'équipe de Francis Dugré-Lampron. Mm-hmm. Les oranges, celle d'Alexandrine Pichessé. Ouais. Ils se sont pas affrontés encore cette année. peut-être en match showcase. Non, même pas. Non, donc c'est vraiment le premier match entre ces deux formations-là. On devrait avoir un match très intéressant à surveiller, bien évidemment, les deux capitaines qui sont très, très, très époustouflants. On aura aussi droit à un Jocelyn Garneau pour ceux qui sont ça, pas familiers avec ce dernier. Présentez-vous, ce gars-là est incroyable. Ouais. On a un Julien Lavertu de l'autre côté qui est, ma foi, lui aussi très drôle. J'oublie d'autres noms, mais c'est pas afin de diminuer les autres improvisateurs. j'ai une banque de noms réduite. C'est ça, on n'est pas super bon sa mémoire. Non. Ça arrive. Le mois de novembre est tellement chargé là, pour l'instant. Bon, évidemment, ça reste tout ça. C'est de l'improvisation, là, oui. Mais ça se pourrait aussi qu'il y ait des matchs spéciaux dans le mois de novembre. Possiblement. J'en entends parler. Possiblement. Il y en aura au moins 4 matchs en novembre. Au moins. Oui, exact. Bon. Donc c'est d'ici les fêtes. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook en tapant l'huître. Oui. L'anniversaire d'improvisation de Trois-Rivières. Oui, et puis ben pour ceux qui se demandent c'est où, c'est quand, combien ça coûte, c'est à la Chaise Galerie, c'est les lundis soirs à 20h et c'est, ma foi, complètement gratis. Hey, c'est simple ça, rien qu'un peu. Hey, on aime ça. Je capote. Ben oui. Ouais. Donc lundi soir, 20h, Chaise Galerie, soyez-y. Nous, pendant ce temps-là, ben c'est la chronique qui est terminée sur l'improvisation. Fait que là, on a le temps de parler de n'importe quoi d'autre. Vas-y. T'as parlé d'Halloween tantôt. Oui. Tu l'as-tu passé? Ouais. Non, pas du tout. Pas de costume, rien? Non, même pas. Ben j'ai eu une fête d'Halloween la semaine passée où j'étais déguisé en membre de la meute. Non, mon Dieu. J'avais une pancarte de manifestation et des slogans que je ne répéterai avec vraiment pas fautes, ici. Souvent. Oui, oui, plein de fautes. Un beau coton ouaté, tu sais, un sac banane, mais camouflage. Ah, ouais. C'était pas pire, là. On a droit à des beaux costumes, là. Il y avait une John Lennon, bien fait. Ouais. Ah, ouais. Nice. Ouais, c'était cool. Les autres costumes. On a droit à Bugs Bunny et Lola Bunny de Basket Spatial, qui était incroyable. C'est hot, ça. Personne en Michael Jordan, par contre. Non, exact. Non. Personne avec des... Ça aurait été hâte, quelqu'un en Michael Jordan, mais avec les longs bras élastiques qui pendent. Juste ça. Ouais, juste vrai, besoin hein? de ça. Là. Ça aurait été mon gars. Quand tu as dit en membre de la meute, je pensais que c'était déguisé en pipi. En membre. Non. non. Moi aussi, au début, j'ai eu peur qu'il arrête à membre. En membre. Ah, ben, j'avais pensé à d'autres costumes plus d'actualité. Mais blonde m'a dit, je veux vraiment pas que tu te costumes en ça parce que c'est de très mauvais goût. T'es un enseignant. Il y a des gens qui vont te c'est voir. C'est quoi, c'est Eric Salvaille, genre? Entre autres, il y avait ça, il y avait d'autres. Gilbert Roseau. C'est Infoman qui a fait une parodie de plusieurs costumes comme ouais, ça. Oui, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Toi, Mathieu, t'as-tu une fête à Halloween? Une petite fête d'Halloween là, chez Tania en fin de semaine. Les costumes, c'est pas fort. C'était en quoi t'étais costumé? J'ai acheté un costume de magicien, OK, avec une fleur qui pète le jeu. Non, il a acheté un chapeau de magicien. C'est tout. Nice. Moi, je suis minimaliste comme ça, tu sais. Ah, c'est ultra léger, tu sais. Ça... Ben, je l'ai enlevé tout le long de la soirée, sauf quand il arrivait. Il l'a même pas eu sa tête. Ben, ouais, mais ça, c'est normal. Là. Nous, on était. Il y avait des gens costumés avec des gros costumes. Ah, tu oui. rentres dans la maison, il fait 30. Ouais. C'est sûr que t'enlèves ton coton ouaté de la meute éventuellement. C'est sûr que. Il y avait Bugs Bunny qui était vraiment confortable, en camisole et en short de basket, puis il trippait. T'aurais-tu de mettre un petit genre un boombox radio avec Jean Chouin qui joue pas fort dessus? Ben oui. Ça a été parfait pour la main. Ah, ça aurait été malade. Un podcast d'Éric Duhem. Podcast! Ça aurait été bon, ça. Ah, c'est bon, les maudits podcasts. Toi, t'as dit en quoi t'étais costumé, donc? Samedi soir, j'étais costumé en liseuse de Bonaventure. Ouh! Parce qu'en fait, la soirée était... non, vraiment pas. En fait, la thématique de la soirée, c'était cirque. Donc, tout le monde arrivait quelque chose de thématique. T'as-tu eu un lion? Non! Mais on a eu deux liseuses de Bonaventure, pas de lion. Ah! Il y avait une femme à barbe aussi. Oui, il y avait une femme à barbe. C'est dessiné ça en maquillage, c'était parfait. Hein? Oui, il y avait une clown, une ballerine, ben, tu sais, comme une funambule. Ouais. Le gars qui s'occupe des lions, mais pas de lions. Un tenancier de lions. C'est ça. Un tenancier. On avait aussi le maître de cérémonie, bien évidemment, au cirque. On avait un maître de cérémonie. Un magicien. Mm-hmm. J'essaye de faire le tour de la table. C'est pas mal ça. Je suis pas bon là-dedans, mais je pense que c'est à peu près ça. On avait la madame dans le public aussi. Mais il n'y avait pas. Ça, c'est quelqu'un qui s'est zéro forcé. Ouais, non, mais elle s'était forcée pareil. Elle s'était déguisée. Avec un ticket, au moins. Ouais. Mais. Mathieu t'a ouvert la porte, là. Moi, j'ai trouvé ça bien comique parce qu'il y avait une fête d'Halloween après l'improvisation. Ah. Ici à. Oui, au 10-12. Oui, exactement. Et puis, Moi et ma blonde avons exercé un certain jugement parce qu'on trouve ça drôle à l'Halloween. Il y a vraiment deux types de filles là, puis probablement comme dans Mean Girls. Exactement. Vous avez sûrement vu des publications là-dessus. Ah, clairement. Quoi, il y a deux types de filles. Puis nous, ça nous faisait vraiment rire parce que la quantité de bad girl, Batman femme et compagnie était ma foi très élevée. Mm-hmm. Et puis lundi soir, ça. Ouais, ouais. Là, t'as comme quatre filles habillées en petite pitoune là, de Batman. Et puis l'autre d'après, elle nous a vraiment fait rire parce qu'elle, on la trouvait vraiment plus haute. Son costume, on trouvait ça vraiment plus original, même si c'était des petits moyens. C'était vraiment un gros One Piece de Superman. C'est hot. Mais on était là. Elle a compris c'est quoi Halloween. Ouais. C'est bien plus haute son costume. Ben oui. Original. Que les trois autres qui sont en genre de costume de bain noir avec un petit maquillage en face. Ça, ouais, ouais. First, elle ressemble même pas à ça, Bad Girl. Tu sais. Elle avait le signe quelque part sur une fesse. Oui, exactement. Parce que c'était c'est le seul endroit où elle pouvait coller quelque chose. Probablement. Qui n'était pas exposé. C'est ça, exactement. Non, ça nous a bien fait rire parce que vraiment, c'est deux types de personnes-là. Ouais. Moi, je suis du genre à faire mon costume. Mm-hmm. Fait qu'on dirait que j'essaie tout le temps de me situer entre les deux, tu sais, pas trop, mais je veux que ça soit Halloween. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sur l'échelle de moi, mettons, à comme le meilleur costume au monde, tu veux être comme entre les deux. C'est ça, exactement. Celui qui fait rien, celui qui fait tout. Parce que c'est quand même drôle, à l'Halloween, c'est vraiment. C'est comme la période de l'année, la journée pour s'exhiber énormément. C'est vrai, hein? Puis c'est acceptable. Ben, la blonde d'un ami nous contait une anecdote par rapport à ça. On trouvait ça vraiment drôle. Elle était pas sûre d'aller à une fête d'Halloween ou non. Puis c'est au centre-ville de Trois-Rivières, dans un bar. T'sais. Fait qu'elle se dit, je vais y aller. Elle aime pas l'Halloween à la base. Je vais y aller quand même. T'sais. Fait qu'elle se présente là, mais avec un costume de banane. Ouais. Et puis elle dit, elle avait pas compris la thématique. Mais je suis zéro forcé, c'est ça. Mais au moins, j'ai un costume. Eh bien, elle est restée 35 minutes au bar sans être servie. Oh, wow! Parce que... C'est un gars qui était en arrière du bar? Genre. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut présumer. Le gars probablement qui nous répondrait, « Je suis vraiment occupé, il y a bien du monde. Ouais. » Ce qui n'est pas nécessairement faux. Il répond personne. C'est juste une banane. D'apparence. Genre. Ouais. On avait ça à l'huître aussi lundi. Hein, notre co-animateur Stéphane était aussi déguisé en banane. Ouais. Mais c'est un costume qui est quand même drôle. Ouais. Là, c'est... Il y a tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui a ce fameux costume. C'est vrai, toujours. Hein? Moi aussi, j'ai un ami qui s'habille en banane à chaque année. Est-ce qu'on sait pendant pourquoi, genre 5 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a comme des genres de mamelons sur le costume de banane? Est-ce que vous avez vu ça? C'est des mamelons comme vers l'intérieur dans son costume de banane. Je sais pas d'où ça vient. Ben voyons. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est des OGM. C'est ça. Oh wow. C'est vrai. Malade. Probablement ça. Ça fait le tour, je pense. Ben oui, fait qu'on va. Je vais vous demander, ça va être quoi vos costumes de Noël bientôt? Là. Ah oui, les costumes de Noël! Mais j'ai eu deux costumes. J'ai été aussi un bélier hier soir. Ouais, c'était grave. T'as fait comment les cornes? Je tiens à remercier ma mère qui les a fait. Ouais. C'est une nouille style de piscine qu'elle a recouvert de feutre et par la suite, elle a mis de la broche à bijoux parce que ma mère, dans le temps, faisait des bijoux à la main. Puis il lui restait de la broche, donc elle a mis de la broche autour puis après ça, elle l'a formée. Ouais. Puis on a posé ça sur une passe à cheveux et je me l'ai mis dans la tête. Ça marche pas mal, ouais. C'est vraiment cool. Tout le monde me dit « Ah, tes cornes sont malades, tes apriots! » C'est du « homemade, vive maman! » C'est un secret. Exactement. C'est bien plus hot des costumes « homemade » dans tellement, là, moi, je trouve tellement ça plus fun. Si j'avais commencé de la motivation. Avant, je pouvais passer là, un mois à faire mon costume. Ouais, hein. À je me rappelle, t'en parlais à l'avance costume, pas mal. Ouais. Attacher du tissu. C'est comme ta fête. Malheureusement, là, j'ai comme pas le temps. Ouais. C'est ta fête préférée. Mais t'as comme Noël, puis tout de suite en dessous, t'as l'Halloween dans ma hiérarchie à moi. Haut. Ah ouais, j'aurais pensé le contraire. Y'a personne qui va dire genre Pauk. Mais c'est parce qu'en fait. J'adore Pauk. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. La Saint-Valentin, mais tu sais. Non, moi, c'est vraiment en bas de la liste. Mais c'est parce que Noël, c'est dur à détrôner. Tu sais, c'est une fête familiale, tu rejoins tout le monde. Pâté à la viande. Pâté à la viande. Tu travailles visiblement pas dans un commerce de détail. Ben, j'ai déjà fait lutin au Royaume du Père Noël. Ouh! Et je pense que c'est peut-être la raison. La place, là, le Royaume du Père Noël, c'était comme un... Au centre de la rivière. Ah, OK, je pensais... Ouais. Êtes-vous déjà allé là? Moi, ma mère m'avait amené là quand j'étais petit. Genre dans le Saint-David? Je pense que c'est ça. C'est un village du Père Noël. Non, c'est comme s'il restait là l'été. C'est comme un genre de simili-parc safari. Mais faudrait que j'y aille. Pas de budget, là. C'est, là, tu me donnes le goût d'y aller. C'est cool pour les enfants parce qu'on... Ouais! Les autres trips, peu importe. Les animaux, c'est genre des hamsters puis des grenouilles. Ben, c'est des lamas puis des petits. Est-ce que c'est beau? Correct. Ouais, ah, ils sont pas donnés à fond. Mettons, j'irais au village québécois d'antan avant. C'est ça. Dans le même genre de thématique, mais vraiment plus intéressant. Okay. Leur effort est calibre moi avec moi aussi. C'est genre, il y a un monsieur que ça doit le gossant à mort, il est costumé en Père Noël quand il fait 40 dehors. Ouais. Oh mon Dieu, OK, parce que le Père Noël est là? Ben, c'est son village. Voyons donc. C'est là qu'il prend ses vacances d'été, lui. C'est... Oh, ah, Alfalfa nous avait pas dit ça? Non, il garde ça pour lui. Ben ouais. C'est ça? Non, c'est un petit coquin, c'est Alfalfa. Ouais, mais ça. Là, je pense que ça fait le tour. Oui. Tantôt, ça faisait un semi-tour. Ah. Là, c'est un tour sur lui-même. 360. C'est ça, comme une ballerine. Ouais. Et toi, hein? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Merci, Gabriel Bill. On te retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mercredis à 9h. Oui, fort probablement. OK. Je sais pas. On sait pas à l'avance, mais on sait pas. On va pas à chaque semaine dire oh, un accident, c'est si vite arrivé, mais c'est ça. C'est défaitiste, pas mal. C'est juste réaliste. C'est oui, réaliste. En effet. T'es trop terre à terre, Gabriel Béhoud. Bon. Écoute, 0.7% des automobilistes risquent de mourir dans un accident de la route. Tenez-vous là pour dire. Vu comme ça. Ouais. Reposez en paix. On prend une pause au retour. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, d'autres chroniques. Peu importe. Restez là. Il y a du bon stock. Encore ensemble pour quelques minutes dans l'émission Assemblage requis avec Tania Baudet. Et Mathieu Plante. Ok, oui. Oh. Mathieu, on l'a dit, l'Halloween, c'est terminé. Ben oui, il faut arrêter de vivre dans le passé. Ben oui, fait qu'on s'en va écouter de la musique de Noël. Ben, c'est pas vrai. Pas vraiment, mais peut-être. C'est une blague. Peut-être. On va entendre du Enter Shikari, en fait. Ah, d'accord. Ouais, avec The Sights tout de suite à Assemblage requis. Puis après ça, on va faire Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight, the sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight. Mr. Magpie, you got distracted by the gleam of the diamonds as you flew by. But their gold glint does not impress when there's a billion stars in the sky. I sit gripping my pen like a bread knife as I write. I'm leaving this earth for the stars tonight. Now I'm running to board the flight. No more legal. Far and wide, I wanna scan and explore it. and I'm a little bit petrified of what's to come. Yeah, my head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified, but fire up the rockets. Obsession! Andrew Shikari et The Sights à Assemblage Requis. Et maintenant, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément, bien sûr. Ouais, c'est comme pas ça. Pas le choix, fait ça. C'est de même, ça marche. Ouais, et on parle pas juste de choses à acheter, en fait, on parle aussi de commerce. J'ai comme un petit prix d'expansion à cette chronique-là pour faire changement. On parle de Walmart pour commencer, qui délègue des tâches à des robots. Ah! Ouais, Walmart a annoncé qu'il a commencé à déployer des robots dans certains de ses magasins américains pour effectuer la lecture des prix affichés dans ses allées et vérifier les stocks. Une décision qui vise à économiser du temps à ses employés, donc pas économiser de l'argent en payant moins les employés. Mais non. Mais en faisant que les employés vont pouvoir faire autre chose à la place de ça, hein? Donc, les petits robots qui ont l'allure de boîte de moins d'un mètre de haut peuvent cerner différents problèmes sur les étagères des magasins à l'aide d'un bras équipé de caméras et de capteurs. Les employés peuvent ainsi être avertis instantanément lorsqu'un robot remarque un article mal étiqueté, mal placé ou manquant. Ces robots ont déjà été testés dans certains magasins de la chaîne en Californie, en Pennsylvanie et en Arkansas. L'entreprise affirme qu'aucun licenciement ne suivra l'arrivée des robots et que ceux-ci ne serviront qu'à alléger les tâches des employés. Selon le directeur de la technologie de Walmart aux États-Unis, les employés peuvent ainsi délaisser une partie de leur travail qu'ils n'aiment pas et pour laquelle ils ne sont pas très efficaces. Pour voir les robots, il faut aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Une idée qu'on va sûrement voir ici un jour. Probablement. Amazon, qui veut livrer des produits chez toi, même quand t'es pas là. On en a parlé ouais, quelques semaines. J'ai vu ça, puis non. Non, pas sûr? Non, vraiment on pas on a parlé certain. De livrer dans le frigo il y a quelques semaines, il me semble, à ouais, l'émission. Ouais, mais moi, je dis non. Ouais, donc le géant du commerce en ligne Amazon qui a lancé aux États-Unis une serrure connectée commandée à distance qui permet aux livreurs de déposer les colis à l'intérieur du domicile même si leur destinataire est absent. Ça s'appelle Amazon Key et ça comprendra une caméra de sécurité connectée. Les clients peuvent suivre leur livraison grâce à des notifications en temps réel et assister à la livraison en direct ou en différé. On va pouvoir voir visuellement le produit est en train d'être livré via une vidéo sur un téléphone intelligent, donc tu vas pouvoir t'assurer que la personne ne fait qu'entrer, déposer le colis et s'en aller. Moi, cette semaine, je me suis fait livrer quelque chose, mon petit couvert de trucs à smoothie. Hein. Bref, mm-hmm. Et le facteur ou la personne, peu importe qui livrait le colis, l'a juste sacré sa galerie devant public, okay. En plein milieu de la place. Même que quand je suis arrivé, j'ai vérifié mon courrier. Et je suis allé jusqu'en haut devant ma porte pour voir s'il était là. Je l'ai pas trouvé jusqu'à temps que je réalise en redescendant qu'il avait juste laissé en plein milieu de nulle part. Oh! À la pluie, tu sais. T'es-tu sérieux? Les facteurs, tu sais, c'est pas super d'habitude. Ben ouais. Donc moi, de pouvoir suivre ma livraison en direct et m'assurer qu'il est bien à l'intérieur de chez moi, j'apprécierais ça. Le système va être disponible à partir du 8 novembre dans 37 localités américaines à partir de $250 US. C'est quand même pas mal cher. Donc, à chaque fois qu'un chauffeur livreur demandera l'accès au domicile d'un client, Amazon va vérifier que le bon chauffeur est à la bonne adresse à l'heure prévue grâce à un protocole d'authentification crypté, disent-ils. Une fois ces conditions remplies, la caméra placée dans le logement commence à enregistrer, la porte sera déverrouillée. Ni clé ni code d'accès ne sont jamais fournis aux livreurs, ce qui est encore mieux. Donc, ils n'ont même pas accès à ta clé, même ça s'appelle Amazon Key. Okay. Donc, on dit aux États-Unis que c'est fréquent de voir les colis laissés sur le pas de porte des maisons ou des immeubles par les livreurs. Ben, c'est comme ça pas mal partout, je te dirais. Hein? Bref, allez voir le reste de l'article qui parle de quelques fonctionnalités additionnelles sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va à la pharmacie chez CVS, encore aux États-Unis. Si t'as besoin d'aspirine ou de désodorisant, il y a des machines distributrices pour vous offrir ces options-là hey maintenant. Hey boy! Ouais. Tu sais, donc tu passes, t'es pressé un petit peu, je sais pas, t'as mal à l'estomac, t'as un mal de tête, peu importe, oublie de mettre du désodorisant. Donc maintenant, à la place d'aller à la pharmacie et de faire les allées pour trouver tes affaires, ça va être une machine distributrice dans certains magasins dans le nord-est des États-Unis, entre autres les aéroports, dont le LaGuardia à New York, certains transports publics, donc les métros et certains campus universitaires. Vont avoir des distributrices de la compagnie CVS. Les 25 premières sont prêtes entre... Ben on fait pas mal d'ici la fin du mois d'octobre, donc ça doit être pas mal terminé côté installation. Et on va en ajouter 50 dans le futur plus ou moins rapproché. Les machines sont personnalisées pour chaque endroit. Donc, ça va être rempli de médicaments qu'on peut avoir sans prescription, des produits de beauté, d'hygiène personnelle pour les yeux, sinon la bouche, les produits d'urgence, les piles, des chargeurs de téléphone, des écouteurs, des collations santé et des breuvages. Les machines acceptent les cartes de crédit et débits majeurs. Il y a des écrans tactiles avec des images haute résolution, des produits. Il y a le lecteur de code QR pour lire les codes barres et les codes promotionnels. Donc, plein de choses comme ça. Tant qu'à avoir une machine à liqueur et une machine à chips, une machine à produits qui servent à quelque chose, je trouve ça vraiment bien. Mm-hmm, vraiment. J'aime ça. Ensuite, est-ce que c'est le futur du papier de toilette? Est-ce que tu connais les Fatberg? T'as déjà entendu ça, non? Fatberg, c'est comme les icebergs de serviettes humides qu'on jette dans les toilettes. Là. Et autres produits que les gens jettent dans les toilettes, puis ça se ramasse dans les égouts. Ça se ramasse, en tout cas, aux endroits où les déchets humains se ramassent. Les serviettes humides, flushables, comme on appelle, eh bien, c'est controversé. Il y a un géant à Londres qu'on appelle le Fatberg. Et justement, maintenant, une publicité montre... un pastiche de Star Wars avec ça. Donc, c'est sur assemblagerequis.com si vous voulez voir ça. Le produit maintenant dont je vais vous parler s'appelle le Haiba Advanced Personal Cleansing System. C'est un appareil qui combine du papier de toilette super solide avec un spray d'eau sans avoir à y toucher, donc touchless. On appelle ça le futur de l'essuyage. C'est par les gens qui fabriquent le papier de toilette Quilted Northern aux États-Unis. Donc c'est très sérieux pour la compagnie Georgia Pacific qui est derrière ça, une unité de Coke Industries. Donc c'est pour justement cibler ce problème-là du Fatberg. On dit qu'en 2015, un blob de 10 tonnes de serviettes qui ne se sont pas dissous et de graisse ont rempli les égouts de Londres. Et puis bon, on travaille sur Haiba depuis quelques temps quand même. On le vend depuis juin sur Amazon, HYBA. Avec des publicités style infopub. Et ça nous dit donc qu'est-ce que c'est. On va aller voir quand même la description du produit sur Amazon. En tant que tel, ça va être probablement plus simple. C'est un système en trois parties qui nettoie comme une serviette humide, mais qui se flush comme un mouchoir ou comme du papier de toilette. Donc la première partie, c'est un papier de toilette flushable, qui est parfait même pour la fosse septique, qui se tient bien même lorsque mouillé, qui est très très très doux. Deuxième partie, c'est un spray qui est fait pour être utilisé avec votre papier de toilette spritz safe. Mm-hmm. Partie 3, c'est un dispenser, donc un distributeur sans avoir à toucher, qui contrôle le spray pour en avoir exactement assez pour toi. Et donc, le kit de démarrage, c'est 4 rouleaux de papier de toilette, une bouteille de spray, un dispenser et un stand, un rack en acier inoxydable. Et on peut acheter après ça des refills, d'autres papiers et d'autres sprays. Voilà. Donc, c'est une alternative aux serviettes humides. C'est des serviettes sèches que tu sprays toi-même et ça va beaucoup mieux dans la toilette après. Nous dit-on. Ça vaut la peine de peut-être l'essayer. Ben, peut-être. Ouais. C'est disponible au Canada, si vous voulez. 40 US environ. Ensuite, une campagne de sociofinancement pour la dernière tasse que tu vas jamais avoir besoin dans ta vie, Tania. Ça s'appelle la My Mug par Making Modern. C'est un contenant, bien sûr, pour breuvage. C'est isolé. C'est fait d'un matériau composite incassable, virtuellement. 100% approuvé côté Food and Drug Administration. Donc, il n'y aurait pas de BPA et de BPS et peu importe. Ça vaut la vaisselle. Ça peut être utilisé en micro-ondes. Et c'est garanti pour un siècle. Ah, ouais? Ouais. Donc, il y a des petites fentes dans la base qui vont permettre à l'eau de s'échapper lorsque tu la laves dans la vaisselle. Tu peux l'échapper par terre, ça ne cassera pas. C'est fabriqué aux États-Unis. 5$, est-ce que c'est 5$? Non, 10$, pardon. Pour la My Mug, c'est sur Kickstarter. Il demande 20 000$. Ça va être envoyé en février 2018. Donc, un verre. Je pensais pas qu'on avait besoin de nouveaux verres. Ouais, moi non plus. Mais apparemment que Kickstarter est là pour ça. OK. Ensuite de ça, allons-y avec les Cozy Phones. Est-ce que ça t'arrive d'écouter de la musique couchée? Oui. Est-ce que tu le fais sur ton téléphone cellulaire avec des écouteurs? Rarement avec des écouteurs. Ouais. Ben, si les gens le font avec leurs écouteurs, quand tu te couches sur le côté, t'as de la misère parce que tes écouteurs sont dans le chemin. Oui. Quand c'est pas des écouteurs boutons, évidemment. Donc, les Cozy Phones, c'est des haut-parleurs à plat qu'on peut utiliser dans le lit. C'est un bandeau qu'on se met sur la tête. Ah! Hein, quand même, c'est des haut-parleurs super minces qui tiennent par un bandeau de tissu qui s'assure qu'il n'y a aucun morceau de plastique qui va essayer de vous rentrer dans la tête. Donc, parfait pour écouter des balado-diffusions, des émissions de radio, peu importe. Probablement pas le meilleur son au monde, mais quand même pour une raison d'être très spécifique. 22$ US, c'est ça. On peut s'endormir sur de la musique même. Ensuite, Amber Wave. C'est un appareil portable qui va vous permettre de vous réchauffer ou vous refroidir. Oh, d'accord. Un appareil qu'on met sur le poignet, un appareil comme une montre, et ça ajuste la température de ton corps. Ah, ben voyons donc. Ouais, donc le Wave a un effet immédiat sur la peau qu'il touche. La compagnie dit que la sensation de réchauffement ou de refroidissement bouge à travers votre corps, un peu comme des bas mouillés vont vous donner l'impression d'avoir froid partout au corps, ou boire du chocolat chaud par la bouche va réchauffer ton corps au complet. Ils disent que c'est un peu le même principe. Ben, c'est ça. Il y en a qui sont sceptiques. Ça pourrait valoir la peine de l'essayer, mais c'est quand même 220$ US. C'est cool, mais c'est cher. Ensuite, un système de purification d'eau. Tu connais Brita? Est-ce que tu utilises Brita pour ton eau? Non. Moi, je trouve que le goût de l'eau est vraiment très différent. Je le préfère dans une Brita. C'est quoi? C'est un filtre au charbon qui enlève les impuretés dans l'eau. J'ai pas de filtre. Non. Je bois de l'eau. Ouais, mais non, je comprends, mais une fois que t'as essayé Brita, il me semble, moi, le goût, je le trouve meilleur. Ah, d'accord. Mais bon, peu importe, mais maintenant, ceux qui trouvaient ça comme trop faire de choses avec son eau pour rien, là, tu peux aller encore plus loin dans le beaucoup trop de l'eau. Boy. C'est un système de purification de l'eau, mais un peu comme un Keurig. OK. Le Mit Water Purification System, ça offre plusieurs avantages, disent-ils, par rapport aux autres options d'eau. C'est un système de purification par distillation qui produit de l'eau donc 60 fois plus propre que celle que tu as dans un pichet normal. Ça imite la façon que l'eau ramasse des minéraux dans la vie et ensuite passe à travers une cartouche de 3 minéraux personnalisés pour vous. Donc, ça dit que ça utilise une connexion Wi-Fi pour automatiquement commander des cartouches minérales, oui, quand t'en as plus. Et pour chaque litre d'eau que tu purifies, la compagnie est partenaire avec water.org et ils vont donner une journée d'eau propre à boire à quelqu'un dans le besoin. Mm-hmm. Donc, au moins, ça sert à quelque chose, mais c'est ça. C'est comme une machine qui ressemble à une Keurig et le filtre est là et l'eau passe et tu la distribues dans ton verre. Les petites bouteilles qu'il y a à droite sur la photo sur assemblagerequis.com, c'est des trucs genre purifiés, détoxifiés, des trucs comme ça que tu mets dans ton truc, ton porte-capsule, voilà. C'est bien passé. Ouais, quand même. Ensuite, un autre truc qui pourrait être bon pour certains, mais pas pour tout le monde, en fait, c'est le Flatev qui peut vous faire des tortillas, un peu comme Keurig fait du café. Ça vaut 200$ américains et c'est un concept... simple quand même, nous dit-on. Très très cher, bien sûr. Oui, donc le concept, clairement. C'est pour faire des tortillas fraîches. Donc ça goûte peut-être un petit peu meilleur que celle qu'on achète en magasin, mais peut-être pas tant que ça. Hein? Je penserais pas. Et c'est super gros. Ouais, c'est sur vraiment ton comptoir, énorme. Ouais. Si t'as déjà une cafetière, un petit four grippin, une théière. Ça a l'air, là, exactement des mini-fours qu'on avait quand on était des jeunes filles. Ouais. Des jeunes garçons, peu importe. Des jeunes personnes, on va dire. Oui, des jeunes, des enfants. Là. Ouais, c'est ça. Des humains d'âge précoce. Jeunes, voilà. Bref, c'est sur Kickstarter, 199$ US, c'est vraiment ridicule. Il faut acheter en plus des pods, des petites capsules de pâte. Hey, là. À chaque fois. Bref, les gens, apparemment, il y en a peut-être qui ont envie de ça. Je sais pas, ils ont réussi à faire 3 fois leur but. Pas moi, en tout cas. Donc, ça fonctionne très bien comme projet. Je sais pas. Ils ont réussi? Ben oui. Oh my god. Ensuite, tu sais, quand tu joues à un jeu avec des dés. Ouais. Hey, c'est-tu plate de devoir comme jouer les 3 dés en même temps dans ta main, hein? Brasser ça, puis lancer ça à la table, puis il en tombe un à terre, puis là, tu cherches en dessous du divan. Mais, compliqué, hein? Mm-hmm. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment compliqué. Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a quand même quelque chose pour ça. C'est le Triple Dice. C'est un dé, de la grosseur d'un dé, mais à l'intérieur du dé, t'as 3 petits dés. Ok. Et quand tu brasses le dé, ça brasse les dés. Fait que tu dompes le dé, t'as tes 3 dés qui dans. T'sais, tu sais. Ben oui, je comprends. T'es dans un dé. C'est comme dans Pimp mon char. Ouais. Tu m'amènes char, ton char. C'est incroyable. Oh boy, en tout cas. Bref, donc c'est un petit cube transparent de plastique, de la grosseur d'un dé, avec 3 petits minuscules dés à l'intérieur, et tu brasses le gros dé à la place de faire les 3. Ça fait autant de bruit qu'un dé normal. Y a pas vraiment d'avantage, mais ça coûte 79 cents US chaque. Donc, quand même. Ensuite. Quand tu transportes ta bouteille d'eau, oui. C'est toujours mort. Mais Maudine, si j'avais en plus de la place pour mettre des affaires de plus que juste de l'eau dedans. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, mettons, je sais pas, mettre des pilules, de l'argent. Ah, OK, oui. Des écouteurs, peut-être. Mettons, tu savais en donner, là. À la place d'avoir à traîner un sac autour de ta tête, oui. Tu traînes ta bouteille d'eau et il y a du storage dedans, de la place pour mettre des affaires. Hein? Oui. Ça s'appelle le Pace Lid. du créateur Chris Way. Donc c'est un gars qui fait du backpacking, promenade en montagne, expédition, des trucs comme ça. Donc il a réalisé que sa bouteille d'eau, sa bouteille Nalgene, je sais pas comment se prononce ça, Nalgene, tout le monde a ça, ces bouteilles-là, Nalgene, ouais. Bon. Une marque quand même assez connue. Donc, il a créé le Payslip pour aller par-dessus. C'est un acronyme PACE pour Primary Alternate Contingency Emergency. Et ça représente une méthodologie de communication qui vient de l'armée. Okay. Donc, c'est un nom quand même qui a été bien choisi. Et PACE-LID, ça remplace en fait le couvercle de votre Nalgene ou sinon votre Clean Canteen ou votre Hydro Flask, des marques de bouteilles d'eau quand même assez populaires pour les gens qui font de la randonnée. Et donc, ça remplace le couvercle et ça te rajoute une place pour mettre des choses. Donc, c'est fait de plastique. de plastique très solide et c'est disponible en noir, en rouge, en vert et en bleu pour $20 US chaque, seulement pour le couvercle sur payslip.com. Je dois avouer que c'est très bien. C'est une bonne idée pour ouais, les gens qui font beaucoup de randonnées. Ensuite, un petit appartement à 3 étages préfabriqué, mais qui entre à l'intérieur d'un stationnement tout à fait standard. OK. Une place de stationnement. Ça s'appelle le Ticou. Le Ticou. Ouais. Qui a cahu. Donc, un appartement à 3 étages créé par une firme de design qui s'appelle Casa Grande. Et ça entre à l'intérieur d'un stationnement de 2,5 mètres par 5 mètres, donc 8 par 16 pouces environ. C'est éco-environnemental, peu importe, et ça peut être installé en même pas une nuit. Ça se fait super bien. Et côté c'est apparence, c'est vraiment beau. C'est très beau, c'est du bois pâle, un peu. T'as une grande baie vitrée, t'as une porte-patio. Ouais. 2 portes-patio même. 3? 3 portes-patio. 3. Ou c'est une fenêtre en bas à gauche, bref, ça, peu importe. C'est une fenêtre. Ouais, je pense que c'est une baie vitrée en bas à gauche, c'est 2 portes-patio, une au rez-de-chaussée, une au premier étage. Et puis en haut, t'as comme une petite mezzanine pour prendre du soleil. C'est vraiment mignon. Il y a des photos sur assemblagerequis.com. Ça ferait vraiment fureur si on vendait ces affaires-là. T'as même une échelle sur le côté pour monter directement à la mezzanine. Ah. C'est fort. C'est très beau. Je trouve que ça se fait scandinave un peu. Oui, vraiment. Le style de maison scandinave. Je suis très d'accord avec toi. Ensuite, tu sais, quand tu prends ton ketchup ou peu importe, t'as, je sais pas, de la crème à raser, hein, t'as de la misère à sortir les dernières... dernière portion là, au oui, fond, oui, tu oui, squeeze, oui, squeeze tout le temps, ça sort pas. Donc voici le Zero Waste Cap. Le okay. Zero Waste Cap, c'est un projet Kickstarter en 2015, puis ça a fonctionné et c'est maintenant disponible en vente. C'est simple, une façon élégante de régler ce problème-là. Donc, à la place de mettre ta bouteille à l'envers et attendre que la gravité fasse son travail, tu remplaces le bouchon par un autre bouchon, le Zero Waste Cap, hein, et tu peux bien sûr sortir tout le liquide ou ce qu'il y a à l'intérieur finalement. Comment? Excusez-moi, le bouchon a un dessus qu'on peut comme ouvrir, un flip-top, et ça peut, ça prend les dernières gouttes. Il y a une petite vidéo de démonstration, c'est un peu difficile à expliquer à l'oral comme ça, là. Mais donc on a remplacé sur la bouteille le bouchon par un autre bouchon, mm-hmm. Et quand tu la verses à l'envers, la gravité, ben là, fait son travail, ouais. Et le bouchon accumule le contenu dans le bouchon, et quand tu ouvres le bouchon, ça vient sortir des dernières gouttes. Je comprends. C'est clair, ça? Très clair. Ensuite, on y va avec Noël qui s'en vient, tu sais, dans oui, ben moins oui. de 2 mois. Hein? Et ça te donne envie de boire, ça. Ouais. Peut-être pas toi, mais les gens, mettons, oui, le 1er novembre, le lendemain du October, aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous acheter des boules de Noël qui sont aussi des flasques pour mettre de l'alcool pour faire des shooters. C'est très drôle. C'est des Christmas Ornament Shot Glasses, parfait pour les parties des fêtes, bien sûr, remplis de vos spiritueux préférés et accrochés sur l'arbre, bien sûr. Mm-hmm. Ensuite, les boules de stress, tu connais ça? Oui. Est-ce que t'en utilises des fois quand t'es stressé, squeezer quelque chose? Pas en tout. Non? Je fesse dans quelque chose à la place. Ouais, c'est ça, faisant ton chien. Non, je sais pas, là, quand je stresse, je déstresse. Ouais, ben peut-être que quand t'as un gros stress, t'as ouais. besoin d'une grosse balle. Ouais. Donc voici la Giant Stress Ball. Oh boy. Bien sûr, donc c'est parfait pour les deux mains, je pense. Si t'as du stress dans les deux mains à la place, hein? C'est pas mal ça. À la place d'avoir un fidget spinner. C'est une grosse balle qu'on peut squeezer, étirer, pincer, masser, peu importe, lancer sur les murs. Giant Stress Ball. Très joli. Ensuite, une machine qui distribue des motifs de tatouage aléatoires. On connaît les machines à gomme, on a parlé tantôt de machines désodorisantes, peu importe. On s'en va au Texas, à Elm Street Tattoos, à Dallas. Pour $100 US, un tatoueur professionnel va vous fournir un jeton vous permettant d'obtenir votre Saint Graal, c'est-à-dire un tatouage au hasard. Un motif comme ça, aléatoire, que vous allez faire apposer ensuite en tatou. Oh, c'est le fun! Et quel que soit le design qui sortira, il ne vous reste plus qu'à passer sous l'aiguille. Et on dit que tous ces tatouages-là coûteraient entre 160 et 180 $, peut-être 250 si jamais il y en a des vraiment sophistiqués. Donc c'est ça, si vous voulez un tatouage sans avoir d'idée concernant le motif, c'est une solution. Les artistes fournissent leurs tatous sur derrière la machine distributrice et tu te fais faire ça. C'est pas pire. Pas pire. On va en faire un dernier. Purifier l'air de votre domicile avec un pot de fleurs connecté approuvé par la NASA. Hein? Wow, financé avec succès sur Indiegogo l'an passé, Clary est un pot de fleurs qui est prêt à accueillir votre plus belle plante verte. Oh, wow. Et ça intègre un purificateur d'air naturel intelligent. Son objectif est d'utiliser la plante qui pousse à l'intérieur du pot pour assainir l'air ambiant et permettre aux personnes présentes dans la pièce de mieux respirer. L'appareil vise notamment à éliminer les toxines ménagères comme le benzène, le xylène, l'ammoniaque, le trichloréthylène et le formaldéhyde, souvent présents dans le caoutchouc, les nettoyants, la peinture et les fibres synthétiques. Le pot est en céramique, mais il embarque de multiples capteurs qui testent la qualité de l'air intérieur, mesure la température et l'humidité. Les données peuvent être consultées sur une application mobile et le pot intègre également un ventilateur qui a pour objectif de diriger l'air de la pièce vers les racines de la plante. On dit qu'il faut pas s'attendre à une détox express dans un appartement parce que le purificateur d'air met 30 heures à nettoyer 80% de l'air d'une pièce de 5 mètres carrés. Les créateurs de Clary insistent cependant sur le fait que le résultat est efficace et peut véritablement aider les personnes qui ont des maux de tête fréquents ou souffrent d'allergies et d'asthme. Mmh. Et ben, voilà pour ça expresse de répondre là. Les liens sur les sur assemblagejockey.com dans les notes de l'émission 1148. Et nous, c'est là-dessus qu'on se termine ça juste à temps. Ok, oui. Dans les temps, merci beaucoup à nos chroniqueurs adorés aujourd'hui. Merci à Sébastien Evgartin pour son bulletin Gartin. Alex Marchand. Et Gabriel Béhoud. Exactement. Dans les coulisses de la huître. Voilà, nous, à l'émission de demain, on a encore quelque chose de prévu pour vous, c'est-à-dire une émission de radio entre 7h et 10h. Catherine Langlois va être avec nous pour sa chronique Voyage à 8h30. Et une grosse pointe d'adresse en fin d'émission vers les 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à midi, on va être de retour, nous, pour les Palmarès et Fous, édition top 10. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite de ça, c'est l'émission VHS avec Xavier Méclich. À 15h, je vais être de retour officiellement pour une nouvelle édition du Mathieu Plante Show. Ben oui, tout à fait, depuis quelques temps. Deux semaines d'absence, donc trois semaines pas d'émission. Hein. C'est bien ça. On va reprendre le beat. 17h audiomatique, 18h écoutedonc.ca, sif.ca, assemblagerequis.com. On se quitte là-dessus. Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. À demain, 7h. Bon café, tout le monde. Bye.